Non, attends. Bonsoir, bonsoir à toutes Oula. Et à tous. Et bienvenue dans ce 58e numéro du podcast du collectionneur. Et je suis pas du tout mort de rien, tout va bien, tout est contrôlé. Tu sais qui chatouille moi. Voilà. Donc bonsoir, mesdames et messieurs, autres extraterrestres, chiens, tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir. Pour ce 58e numéro déjà. Voilà, 58e. C'est toujours pas l'âge de pelle. Et tu sais que chaque fois je l'oublie, et pourtant je sais que j'y ai droit à chaque fois. C'est bizarre. Hein. Enfin, voilà. T'as oublié ton âge ? Ah, mais ça c'est normal. Wow. Ça. Et ce soir, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, nous rend heureux et fait partie de notre quotidien. Les adaptations de jeux vidéo en film, BD, bande dessinée, séries, dessins animés, enfin bref. À partir du moment où quelqu'un s'est dit « Notre jeu, il marche, on peut gagner plus de pognon en le portant sur un autre média. » Voilà, c'est de ça dont on va parler. Comment et des incommensurables réussites que nous avons eu droit ces 30 dernières années. Des trucs exceptionnels. Mm-hmm. Et oui, il y a eu des trucs très bien. Oui, oui, fantastique. Et normalement, Monsieur Chou va nous parler d'un jeu à la fin de l'émission. Ah, si on n'a pas pu faire la dernière fois. Mais, sauf si c'est repoussé à nouveau. Ah bah oui. Évidemment. Priorité au direct, bien sûr. Ah bah, voilà, toujours. Toujours. Et FM TV, hein, tout ça, la bonne école, quoi. Je regrette ce que je viens de dire, je vais me taire pendant 5 minutes. Oui, tu peux. Tu me donneras l'occasion de finir de manger, voilà. Sur le coup, en attendant de savoir si le chat nous entend correctement ou pas, salut la Belgique d'ailleurs, on va passer aux petites news de ces dernières semaines, et on a pas mal de choses à parler. Mm-hmm. Bon, on va commencer le podcast par une triste nouvelle. Par s'enjailler, voilà, c'est ça. Donc on apprend le décès à 59 ans de Makoto Ojino, mangaka à l'origine de donc Kujaku O. T'as pas envie de le prononcer à ma place, Bosdick, pour le faire mieux ? Non. Ok. Waouh. Dans son dérivé deux jeux qu'on connaît assez bien, justement, Bosdick et moi, Spellcaster et Mystic Defender. Mm-hmm. Ah ben, et moi aussi, et j'ai les originaux. Non, pas toi. Pourquoi ? Toi, ce que j'ai dit. Bon, enfin bref, voilà. Donc voilà, il nous quitte tôt, hein, 59 ans. Bah, moi, j'ai pensé à Bosdick hein, quand j'ai appris la news aussi. Bah, Spellcaster, c'est mon jeu préféré de la Master. Voilà. Et moi, c'est un des jeux préférés. Voilà. qui était vraiment très très beau en plus hein, sur Master System. Le jeu est vraiment chouette. Hein. Bah, c'est surtout c'est un jeu d'aventure avec du texte et du point and click. Donc à partir de là, ça peut être très bien. Voilà. Et la suite sur Mega Drive qui était fantastique. N'hésitez pas surtout à jeter un petit coup d'œil, même en émulation, on vous en voudra pas à ces deux jeux. De notre cher petit Master System, toujours dans l'ombre de la NES. Hein. Et c'est un univers très mystique japonais, quoi, tu vois, avec tout ce qui est très religieux, mais avec des monstres et tout le bestiaire folklore japonais, quoi. C'est vraiment chouette, hein, comme c'est très dark, hein, par contre. C'est vraiment glauque. Il y a des. Un boss dit qu'il y a quand même des. Oui, bah, même sur Master System. Sur Master System, ouais. C'était assez dégueulasse. Ouais, c'est un peu du gore, presque, hein, parfois. On était à la limite d'un Splatterhouse, mais bon. Bon, alors on va essayer quand même de trouver des choses plus joyeuses à parler. Notre ami Outre-Atlantique nous envoie quelques petits liens. Ouais, alors ça c'est des news improvables du Québec. Non, voilà. C'était l'instant où je fais l'accent québécois. Voilà, on va revenir. Donc un pote, donc The Mike pour le citer, nous a envoyé deux trois petits liens. En fait, il squatte sur je crois que c'est, je sais pas ce que c'est en fait. RDS, c'est quoi? C'est la radio publique ou un truc comme ça. Donc il y a des petits liens sympathiques, à savoir un article en deux parties sur l'histoire du Virtual Boy. Et d'ailleurs, quand il me l'a passé, j'étais sceptique. Je me suis dit ça va être nul. Et non, c'est assez bien écrit et assez exhaustif, donc on peut le signaler. Donc je vous mettrai après les liens dans le chat. Donc l'article est en deux. C'est plus simple pour les Canadiens de parler de Virtual Boy que nous, parce qu'au moins eux, ils l'ont eu. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je veux dire, au moins l'avantage, c'est qu'ils ont eu ça entre les mains, de façon de façon légale. Enfin, quoique, je pense que ça devrait être interdit, ces choses-là. C'est comme la drogue. Alors, par contre, autre chose un peu plus sympa. Il y a donc 4 jeux vidéo qui font leur entrée au Video Game Hall of Fame, à savoir le solitaire. Bon, ça, quelque part, forcément, on n'y échappera pas. Mortal Kombat 1 et Super Mario Kart. Et il y a un petit ajout, à savoir un jeu qui s'appelle Colossal Cave Adventure, qui est donc un jeu entièrement, un jeu d'aventure C'est en textuel, texte. Voilà, oui. C'est l'un des premiers jeux textuels d'aventure, il me semble. Exactement. C'est le premier, hein. Exactement. Ils en parlent un tout petit peu dans l'article. De toute façon, c'était un article façon news. J'y ai jamais joué, mais je connaissais de nom pour avoir fait des Ah, recherches sur les jeux textuels. c'est le papa de tous les jeux d'aventure. Donc voilà, donc c'est Voilà. des petites choses sympas, surtout la partie 1 de l'article sur le Virtual Boy est vachement cool. Parce que Donc si déjà jamais. moi, quand j'ai lu ça, la première chose que j'ai dit, c'est Ah, il y a donc un Hall of Fame des jeux vidéo. Tiens donc. Moi, je connaissais hein, par contre, hein, mais. D'accord. Moi Je... non, je l'ai appris, mais je me demande toujours si le Freecell y est, parce que. On va Si le vérifier. solitaire y est, le Freecell Est-ce que quelqu'un sait jouer au Freecell? Mais oui! C'est la bonne question. Je sais jouer au Freecell, je Oui, kiffe ma au assistante Freecell. sait jouer au Freecell. Moi, je sais même pas ce que c'est le Freecell. Alors, c'était le truc sur Windows, je cliquais jamais dessus. Tu sais, je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'avoue là. Putain, c'est le truc auquel j'ai joué beaucoup. Beaucoup. Beaucoup au travail, mais tu ne vas pas le dire. Espèce de jeune. Après, en même temps, sur Windows Millennium, je cliquais pas sur trop de trucs parce que je risquais de faire planter le truc à chaque instant. Mais Bah ouais, ouais, non, mais ça, je comprends. Ouais. c'était pas le machin le plus stable de la Terre. Ouais. Windows me. Mais... Bon, sans transition, SNK va bien. Il nous propose même de racheter encore des Neo Geo Mini avec des Ah. couleurs différentes. Et on pensait que le modèle de Noël était déjà relativement dégueulasse. Ils vont réussir à faire au moins aussi bien. Alors là, Oh, ouais. je trouve ça plus sympa C'est que. moins J'en pire. étais sûr. Non? Je trouve ça moins pire. Bah oui. C'est technique, hein. Ah C'est pas oui, mal. ah oui, je suis d'accord là, quand même. Et Noël, celui de Noël avec le petit cerf et les sapins de Noël, mais c'était dégueulasse quand même. Là, par contre, c'est le bleu quand même, hein, la couleur choisie. Ah, c'est Alors, il y a d'autres modèles. Il y a un blanc transparent également. Ok. Ouais. Et il y a un modèle rouge Nakoruru. Ah oui, Le rouge Nakoruru transparent. rouge. Ah Ça, rouge ouais. par contre, rouge mieux. Voilà. Rouge bien. Donc bleu, rouge et blanc transparent aux couleurs de 3 personnages. C'est donc Ouais, le but du effectivement, jeu, c'est de faire des coloris liés au jeu Samurai Shodown, qui donc ouais. dans une Oui, nouvelle version sort sur PlayStation 4. Et effectivement. c'est de vendre le jeu en packaging avec un Neo Geo. D'accord. D'accord, ok. Effectivement, la version rouge, je confirme. Hein, ça arrache moins la gueule, on va dire. Et Après, par j'ai contre, envie un de truc, je dire. comprends pas. Un truc, je comprends pas. Donc, ils ont fait une mini-borne, là, ils l'ont mis en rouge. Est-ce que ça leur aurait torché les fesses de faire un décor façon borne néo-géo d'antan? Bah, c'est pas comme ça qu'elles sont, justement. Les Neo Geo, elles ont repris le design, il me semble. Non, non, non, non, non, non, non, non, t'as... qui est pas vraiment pareil. Hein. Déjà, même niveau décoration, c'est pas tout ça. Hein. Enfin bon, après, c'est histoire de chipoter. Donc on a les jeux qui seront inclus dedans, qui sont très proches du modèle japonais, avec un petit bonus extra où là vraiment on a toutes les versions de Samshow, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 5 spéciales, forcément. Ouais. Ouais, parce qu'il a manqué, je crois qu'il manquait le 5 dans les autres bornes, enfin ils n'étaient pas tous, il y en manquait un. Donc, par Après on contre, retrouve du Rebound Fatal Fury, Fatal Fury 2, je sais pas trop l'intérêt quand on a Mark of the Wolves. alors après, il y a un truc, moi perso, je m'interroge toujours. C'est pourquoi foutre Super Psychics 1? Pourquoi tu fous pas le 3? Qui est largement meilleur. Ou le dernier, le Oui, 4. Il y a le 4. totalement, hein, Le totalement. 4 qui est magnifique, qui est une véritable tuerie. Hein. Tiens, Monsieur Chou, je t'ai mis Ah non, non, le c'est tarif. pas. On parle pas de la même borne, en fait, Belle. Ah, d'accord. Moi, je parlais de la borne, en fait, où tu avais un MVS 4 slots, en fait. Je vais D'accord, t'envoyer parce la photo en que. privé, Bah, t'inquiète. ok. Parce que voilà, ça reprend le design de la MVS, hein, quand même, Oui, les yeux. mais c'était pas. Bon, je parlais pas de la même chose. D'accord. On parle des jeux, je comprends toujours pas pourquoi ils ont mis Top Players Golf, pas Ouais, Top enfin. Master. Ouais. Ouais, c'est des choix. Oui. Enfin, c'est des choix, pas... c'est des choix japonais, j'ai envie de dire, parce que même Twinkle Star Sprites qui s'acharne à ne pas vouloir mettre en Europe. Oui, non, mais ça c'est incompréhensible. Quoi. C'est... Mais bon, quand tu mets des versions de jeux qui sont moins bonnes que les plus récentes, c'est particulier quand même. Ouais. Enfin, c'est surtout que Super Psychic 1, je le trouve pas. J'ai jamais trouvé exceptionnel. Le 2 était sympa, le 3, il y a des animations. Oui. À l'époque, les... oui. Même encore maintenant, hein, j'ai fait jouer la semaine passée, mercredi dernier, deux gamins qui étaient là. Je dis, vas-y, je mets un jeu de foot. Ouais, c'est impressionnant visuellement. J'ai fait jouer à Super Psychic 3. Bon, ils ont rien compris, ils ont pas réussi à marquer un but, mais ils sont bien. Tu sais quoi, tu prends le 1 et dis-toi qu'à la même époque, on avait World Cup Italia 90 au Master System. Ah ouais. Hein. Tu vois la comparaison. Là, tu as des vrais sprites, tu as le truc Chains où tu vois la cage en gros plan. Et la même incompréhension dans les Metal Slug qu'ils vont mettre dans le truc. Ouais, ils mettent le 1, le 2 et le 3. Mais pourquoi tu mets pas le 1, le X et le 3? Le X et le 2 en mieux. Je pense qu'on ne comprendra pas, c'est une façon de faire. Voilà, ouais. Après, voilà. Après, ils ont raison de Vanderboard. Voilà. Hein, avec bien sûr, hein, au niveau des coffres qu'ils ont mis dedans, bon, il y a au moins le 98. C'est déjà ça. Et Mark of the Wolf, voilà, quelque part. Et Last Blade 2, des jeux comme ça qui sont quand même très appréciés. Ça va. Pour moi, il manque toujours un point, mais c'est pour pinailler. Ouais, ouais. Juste pour préciser que ces trois modèles, on l'a pas dit, enfin, peut-être, j'ai pas fait attention, c'est que ce sont des Skeletons. Hein. Enfin, oui, c'est transparent. Oui, on sait que tu aimes les modèles Skeletons. C'est ça. Au courant, monsieur. Ah, mais Beyond aussi, hein. Moi, j'aime quand c'est transparent. Il est sensible à ça. Ça c'est très, très. Mon court t-shirt mouillé, tout ça. Mais... Sur le coup, on va rester dans les mini. Et on va parler, sur le coup, on va encore débattre du choix des jeux, donc avec Sega et sa Mega Drive Mini qui continue à souffler le chaud très chaud et le froid très froid. On peut dire ça comme ça ? Avec donc le dévoilement de 10 nouveaux jeux. Donc c'est ça. Avec une excellente nouvelle avec la présence donc de Megaman et Wily Wars. Ah oui, c'est bien. Hein. Surtout quand tu vois le prix du jeu. Qui n'est jamais sorti en version américaine, mais pourtant qui a une jaquette américaine sur le site officiel de la Mega Drive Mini, ce qui me fait rigoler. C'est plutôt pas mal, ouais. Voilà. La présence de Wonder Boy in Monster World, qu'on aime toujours autant, Phantasy Star 4, Beyond Oasis. Voilà. Par contre, on va commencer à rentrer, évidemment, comme toujours avec Sega, dans l'incongruité la plus totale, avec la présence de Street Fighter 2 Prime. Oh, mais ça... Alors avec nos manettes 3 boutons. Voilà, alors que Sega nous a dit, vous aurez droit à des manettes 3 boutons. Alors, celle-là, on a une bonne nouvelle pour vous, mais attendez. Ne vous en faites pas. Sega, ils ont dit, vous inquiétez pas, on va vous vendre une manette 6 boutons à part. qui coûtera 20 balles, je crois. Oui, c'est les manettes. C'est des manettes rétro-bits. Voilà. C'est ça. C'est des manettes rétro-bits qui sont du coup annoncées pour août. Voilà. Ouais. Alors je vous rappelle qu'elle devait sortir en avril. Alors, non, en mars. Soit dit en passant, Amazon a toujours une date à demain pour la sortie des manettes Mega Drive, mais rien n'a été expédié. Voilà. Donc pareil pour les manettes Nintendo 64 dont on avait parlé, qui sortent toujours demain, mais qui ne sont pas expédiées. Donc... Mais ils ont expliqué que Sega a dit elles sortiront en août ces manettes. Et du coup, je comprends tout ce qui se passe. Pourquoi la date est sans cesse repoussée sans qu'on sache ? Ils attendaient juste pas que la console mini sorte pour en plus vendre les manettes. J'ai l'impression d'être retourné dans les années 90 voire 2000 où on était des clodos en Europe. Là, ils nous refont la même. Ouais, un peu, ouais. Là, c'est totalement ça, quoi. On vous vend une version amputée. Mais vous pourrez bénéficier pleinement, mais il faut racheter derrière. Mais balancer Street 2 avec la manette 3 boutons, je trouve vraiment scandaleux, quoi. Ah ouais, c'est honteux. Mais justement, tu dis l'Europe, mais bon, les Japonais, eux, ils ont la manette 6 boutons, mais les Américains, ils ont quoi, eux ? 3 boutons. 3 boutons aussi ? D'accord. Ah ouais. Soit dit en passant, parce que Street Fighter 2 est très emblématique, parce qu'évidemment, c'est 3 boutons de poing, 3 boutons de pied, mais... Beyond Oasis, il y a Beyond dans Titch, j'aime bien. Donc la légende de Thor chez nous est aussi jouable avec la manette 6 boutons et beaucoup plus pratique. Clairement. Très clairement. Ouais, c'est vrai, ça m'était sorti de la tête, mais ouais. Mais non, mais après, je comprends. Si, du moins, je comprends. Ils ont juste envie de refourguer encore leur... les manettes rétro-bits, récupérer du fric dessus. Mais c'est honteux. C'est honteux. Ouais, mais je veux dire, tu... Enfin, je vais dire un truc scandaleux. Hein. Soit tu fous la trois boutons partout dans le monde, et comme ça, tout le monde chiale. Oui, mais je suis... oui, mais oui, oui. Et comme ça, tu vois, comme ça, personne n'est pas au courant qu'il y aurait eu la possibilité de mettre les 6 boutons. Surtout, hein, tu mets pas des jeux, tu mets pas des jeux à 6 boutons. Soit tu mets pas. Mais là où c'est encore plus incompréhensible, c'est que ces manettes 6 boutons, c'est les manettes Retrobit, du coup. Elles sortent, elles existent, elles sont déjà dans des usines produites. Pourquoi ils se cassent les couilles à refaire les manettes 3 boutons? Parce qu'ils avaient, tu sais quoi, je pense qu'ils avaient déjà prévu le coup. C'est horrible à dire, mais ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas de hasard. Oui, mais en termes de production, Oui, mais ils se disent qu'ils vont peut-être moins perdre de fric en faisant produire et en espérant que les gens derrière ils vont acheter. Parce que mine de rien, c'est un gros marché, c'est États-Unis et Europe. Et ils savent très bien que les gens ils vont acheter les manettes, ils le savent. Mais oui, c'est ça, là. Je trouve que c'est un move qui est... Et puis ils sont obligés de choyer un peu les Japonais, parce que là, Mega Drive au Japon, ça a été un four total, hein, quand même, il faut le rappeler. Hein. Ouais, moi j'ai vu quelques gens qui étaient contents que ce soit les manettes 3 boutons, alors... Oui. C'était peut-être pour eux aussi, je ne sais pas. Alors sachez, je ne vous aime pas, hein, voilà. Vous. Ils sont contents de jouer à Street avec une manette 3 boutons, sachant qu'il faut appuyer sur Start pour changer entre point et pied. Alors c'était avant la liste de tous les jeux annoncés, hein. Peut-être qu'ils ont changé d'avis maintenant. Hein. Non, parce qu'après, que t'aies une manette 3 boutons pour des jeux qui se jouent avec 3 boutons... Ouais, c'est pas un problème. Pas un problème. C'est un problème, là, quoi, effectivement. Mais le grand public, en réalité, ne connaît que cette manette-là, en vrai. Mm-hmm. Oui. Bah, ouais. Oui, moi, j'ai joué bien plus tard à la manette 6 boutons. Bah, pareil. Hein. Ouais. Bien plus tard. Hein. Et en parlant de move pas très correct, bah moi, je vais encore mettre en grain de sel, je vais encore le dire pour la troisième fois. Le premier coup, c'était donc Rentairo qui dégageait de la version occidentale, ce qu'on pouvait comprendre, il y a beaucoup de textes, il n'a pas jamais été traduit. Ok. Dans la seconde vague, c'était Moucha qui disparaissait alors qu'il sortait aux États-Unis. Je suis pas très très content. Et là, ce coup-ci, celui qui disparaît de la sélection depuis le Japon, c'est un tout petit jeu de rien du tout, c'est le Yu Yu Hakusho de Treasure. Ouais, là ça pique, hein. Oh là là, quoi. Lui, qui est un petit chef-d'œuvre technique en plus. Quoi. Voilà. Si ça continue, il va rester plus que Sonic 3D Blast en fait. Mais là ça va, c'est bon. On a Vectorman et Alex Kidd en Europe, tout va bien. Non, mais je veux dire, les jeux qui sont sortis, mis à part, on va dire, Wily Wars, qui effectivement. Je pense pas qu'il soit dans une compile ou quoi que ce soit. Hein. Je sais pas. Non, mais le Castlevania, il est jamais sorti dans une édition Mega Drive non plus, hein. Tu vois, sauf que le Castlevania, sur le coup, est dispo maintenant dans la compil Konami. Oui. L'autre, c'est Probotector. Par contre, Contra/Probotector n'est jamais sorti ailleurs que sur la Mega Drive originale. Ah, et vu son tarif à lui aussi. Il y a 2-3 jeux qui valent le coup, mais après, il y a des jeux qui sont dans la compil Mega Drive qui sont déjà sortis. Ouais. Après, voilà, moi, je trouve quand même la sélection de jeux en elle-même, elle est pas dégueulasse. Oh, c'est ce que j'allais dire. Contrairement à la PlayStation Mini, par exemple. Oui, mais il n'y a pas. Juste une petite parenthèse rapide sur Megaman de Wily Wars. Oui. Ceux qui aiment Megaman, essayez-le. Parce que, alors, il ne fait pas tout bien. Les graphismes sont un peu mieux que sur. C'est les 3 premiers épisodes NES qui ont été un petit peu refaits, avec certains bugs corrigés. Graphiquement, c'est mieux. Au niveau du son, voilà, bon. Ils ont essayé. Voilà. Mais par contre, il y a une tour inédite à la fin, une fois qu'on a fini les 3, et bon, c'est une version de Megaman qui est tout à fait valable. Quoi. Pardon, qu'est-ce que tu voulais dire, moi? Et c'est plus de 300 balles si vous voulez acheter le jeu. Donc, ouais. Et c'est sans doute le jeu le plus contrefait de la console. Et oui, en plus. Totalement. Et c'est avec Moucha à l'Est aussi. Mais bon. Oui, Moucha. Mais Megaman, vu qu'il n'est jamais sorti aux États-Unis, c'est la méga fête. Megaman, Megafette. Bravo. Pour terminer avec cette vague des mini, on va reparler un petit peu de Capcom. Ah bah ça va être la saga Little Sweep, je crois. Et donc, c'est fini là. On en avait parlé, une des personnes qui s'occupait de l'animateur Final Burn Alpha avait décidé de gagner du pognon en revendant à Capcom la licence de l'émulateur qui n'était pas censée être créée dans un but lucratif. Et ben il se trouve que maintenant ce monsieur est tout seul avec son Final Burn Alpha en train de pleurer, Toutes les autres ont claqué la porte et sont partis. Donc Final Burn Alpha est mort. Voilà. Ils sont partis pour un truc exceptionnel quand même. Ils sont partis pour faire un autre Final Burn. Mais ne vous en faites pas, ils sont encore là. Ils reprennent Final Burn sous le nom de Final Burn Neo. Et ils vont continuer à parler d'émulation CPS1, CPS2 et MVS. Et le pire, c'est que nos amis de chez LibRetro ont déjà commencé à troller en disant « Ah ben voilà, vous inquiétez pas, hein, le Final Burn Alpha, ça n'existe plus. » Ils ont déjà, eux-mêmes ont déjà commencé à teaser le truc. Ouais. Donc c'est pour dire que c'était un truc qu'ils avaient ça dans leur carton depuis quelques jours ou quelques semaines. Et voyant voilà, que c'était rendu officiel, ils se sont dit « Bon allez, voilà. » Ils ont fait un petit message d'intérêt public. Et apparemment, il y a même déjà un build en fait de Final Burn Neo, d'après ce que j'ai compris. Ah oui. Ils ont même ouvert un GitHub, donc ouais, tout va bien. Mais si, enfin, c'est le coup de base, c'était vraiment un coup de saloperie, quoi. Enfin, c'était vraiment dégueulasse. Hein. Mais alors, le retour de bâton, il est assez vénère, je trouve. J'aime bien, moi. Comme eux, ils ont aucun problème avec le truc parce qu'ils vont vendre, ils vont continuer à vendre. Ce qui est marrant, c'est de voir la rapidité en fait de voilà pour redévelopper et refaire quelque chose. Ça a pris quoi, un mois ou deux, quelque chose comme ça. Non, après tu te dis que les types c'est des brutes. L'équipe, bien sûr. Qui est derrière, c'est un peu des brutes. Mais bon, tu vois, Capcom, eux, ils s'en cognent. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils disent rien. Ils continuent à faire la vente du produit, à faire la promo. Venez acheter nos sticks. Alors eux, ils s'en battent la rate. On a acheté, c'est à nous. On s'en fout. Bah après quelques... Honnêtement, c'est vraiment un problème typiquement Capcom. Ils sont passés de... c'est les meilleurs à faire des jeux. C'est les meilleurs pour remplir des saucisses, quoi. Ils sont terribles. Ils sont terribles. Ouais, mais le truc... Honnêtement, maintenant, moi, je vois... Le problème, c'est que maintenant, moi, je leur donne même plus le bénéfice du doute, quoi. Je me dis, ouais, c'est Capcom, elle est où l'embrouille. Ouais, mais tu vois, c'est comme Konami qui fait pas de triple A, qui fait que des compiles et qui a eu le meilleur exercice fiscal depuis tous les temps, quoi. Depuis qu'ils existent, ils ont jamais autant gagné de pognon que cette année. Alors qu'ils ont rien, quasiment. Ouais, mais voilà, elle est quand même là, la différence que Capcom, ils ont sorti des super jeux quand même. Oui, mais après, je veux dire, ils peuvent faire de la merde Capcom. Comme c'est contrebalancé par des Monster Hunter ou deux autres trucs. Les gens passeraient pas plus facilement. Disons honnêtement, Capcom, au milieu du caca, de temps en temps, ils vont te sortir un bon jeu. Et heureusement d'ailleurs. Ouais, là, je veux dire, les trois derniers quand même, quoi. Tu vois, le Devil May Cry, le Resident Evil 2, les Dragon's Dogma, les Mega Man 11, ça a enchaîné. Ouais, Dragon's Dogma Dark Horizon, ça fait super longtemps, celui-là. Ouais, mais il est ressorti sur Switch, là, mais bon. Là, ah, bah, ils l'ont ressorti. C'est pas un nouveau jeu. Ils ont fait du Capcom, ce qui est normal en même temps. Fait des super trucs. Entreprises qui soufflent le chaud et le froid, qui sont capables de te sortir des bons jeux, mais qui sont capables de te faire des grosses merdes. Genre ce stick où ils achètent FBA sans savoir à qui ça appartient, si c'est vendable. Bah, il y a même pas que l'histoire du stick. Hein. Je pense qu'il y a d'autres trucs. Il y a un truc plus honteux qu'à mon avis les fans vont pas leur pardonner avant un long moment. C'est Marvel versus Capcom Infinite. Voilà. Ah, il y a des persos, ils sont pas dedans, mais en fait, toi, en fait, tu joues pas un personnage, tu joues une fonction, selon les développeurs du jeu. Non, tu joues un personnage. Si tu prends Ryu et en fait à la place de Ryu, c'est Mouse Diouf, c'est pas Ryu, c'est Mouse Diouf. Ouais, mais donc, moi voilà. Je suis content. Oui, forcément, mais enfin voilà, c'est quelque part, c'est vraiment histoire de donner. Voilà. Non mais quelque part, si la gars, tu le transformes en Patrick Simpson Jones, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas une fonction, arrête, c'est un personnage, bordel. Désolé. Moi, tu me donnes envie de jouer. Si on a un qui fait un build de... Ah, comment ça s'appelait le... Le pas de pitié pour les croissants, je signe tout de suite. Ah, mais carrément, hein. Voilà, en jeu de baston. Non, mais après, oui, pour dire, ouais, Capcom, eux, ça les touche pas. J'ai Paul Cuissé un SMS qui m'a dit qu'il a encore le code source de chaque fou, si on veut. Ah, bah, il fait péter. Arrête, ils en ont ressorti un l'année dernière. Ouais, oui, c'était pas original. Bien, pour faire un jeu de baston, un build avec des persos français. Non, mais pour dire que voilà. Mais oui, Capcom fait des choses. Bon, on l'a dit, ils sont là pour gagner de l'argent. Quand ils font payer la bande-son originale de Resident Evil 2 dans le remake, on grince un peu des dents. Ouais. Quand ils annoncent, même si, d'accord, le contenu est conséquent, quand ils annoncent un add-on pour Monster Hunter World à 40 euros, on est un peu en mode « Ah ouais, 40 balles quand même !» C'est... Ah ouais. Mais bon. Non, mais après, comme tu dis, c'est la profondeur du fric, mais il y a des... ils ont une manière de forcer... Non, mais j'insiste quand même, dans le sens où c'est des excellents titres, chose que ne fait plus Konami, quoi. Quand même, la différence est énorme, quoi. Ils sont vraiment sur le devant de la scène, quoi. Tu vois. Ouais, sauf que Konami... Enfin, est-ce que Konami est en retrait en termes de création vidéoludique? Oui, c'est pas... Ils ont recentré leurs activités. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, bah, est-ce qu'ils ont tort quand tu vois qu'ils ont jamais autant gagné d'argent? Oh, bah là... Bah. Pourquoi se fatiguer quand tu fais pour Magic Slot, que tu fais un Metal Gear Survive qui arrive à se vendre quand même, même si c'est dégueulasse? C'est comme ça, quoi. Bon, en parlant de Konami, news suivante, la compilation Castlevania Anniversary Collection est sortie. Donc, on rappelle, c'est une compilation qui contient les trois Castlevania de la NES, les deux premiers Castlevania de la Game Boy, parce que le troisième n'existe pas, Super Castlevania 4, Super Nintendo, mais pas Vampire's Kiss, parce qu'ils n'ont pas eu la place, peut-être, je suppose, hein, sans être mauvaise langue. Et la version Mega Drive, et surtout donc Kid Dracula, traduit pour la première fois dans la langue de Shakespeare. Ça, c'est bien. Un excellent titre. Cela dit... Attendez un petit peu pour vous l'offrir, parce que on n'a pas encore trop de... C'est un peu nébuleux, mais normalement, dans la prochaine grosse mise à jour du titre, Konami devrait ajouter l'intégralité des ROM en version japonaise originale. Oui, oui, parce c'est vrai. Il y a eu un problème au niveau des ROM, ce que j'ai entendu. Alors, a priori, ça marche plutôt bien, l'émulateur. Enfin, moi, je n'ai pas trop entendu de soucis dessus. T'as eu des retours négats, toi? Oui, qui se seraient trompés en fait quand ils ont dumpé les ROM. Et il y a des gens qui se sont plaints. En fait, ah. Le lien. Ils en avaient parlé aussi sur GameCult pendant le live. Donc effectivement, ils avoir une mise à jour pour remplacer les bonnes ROM. D'accord. Ok. Et donc sur le coup, on aura aussi les ROM originales. Outre la présence de tous ces jeux, donc qui en fait, bon, pour 20 balles, c'est relativement correct compte tenu des jeux qu'il y a dedans, il y a une espèce d'encyclopédie, en anglais évidemment, mais qui est assez complète et assez jolie, qui vaut aussi le coup. D'accord. Mais attendez un petit peu, parce que leur compilation arcade à Konami qu'ils ont sorti il y a très peu de temps est déjà en promotion sur le PSN en ce moment. Je pense que ça va tomber dans les 15 euros assez rapidement. Et que d'ici là, on saura si on a effectivement bien les versions originales des jeux. Ce qui serait... ce qui est encore un atout supplémentaire. Exactement ce que fait Sega avec ses Sega EG sur la Switch. Lorsqu'il sort un jeu où il met toutes les versions du jeu possibles. Bah, dans le Sega Mega Drive Collection sur PS4 One et Switch, c'est la même aussi. C'est ça, oui. Sur les compil Mega Drive aussi, ils ont fait la même chose. Sur les, sur les Mega Man X Collection, t'as les ROM US et Jap aussi. C'est Capcom, mais voilà. Voilà. Mais les éditeurs commencent à comprendre, oui, que ben, finalement, c'est parce que ça pèse, l'émulateur il est fait, tout est prêt, autant. Oui, oui. Voilà. Oui, aussi, en fait, le problème au niveau des ROM, c'est aussi qu'il y a des gros problèmes de son. Certains. D'accord. C'est surtout ça, quoi. Il y a des glitches de son, donc les gens, ils sont légèrement pas contents. Surtout sur Switch et PC. Quoi. D'accord, très bien. Ok. Alors, bon, attendons un petit peu avant de nous offrir cette compilation. C'est quoi? C'est 20 euros, c'est ça? Ouais, c'est 20 euros. Petite news livre. Donc, Monsieur Chou, il y a Bitmap Books qui va sortir un livre concernant la saga. Metal Slug. Alors, tout d'abord, quand ça va sortir? Précommande en juin, et apparemment c'est prévu pour septembre de cette année. Est-ce que je vais le prendre? Oui. Dès l'instant où les précos c'est ouvert, je crois que je le prends. J'ai jamais rien préco chez eux, mais j'ai déjà plusieurs bouquins de chez Bitmap Books, qui sont des bouquins d'excellente qualité. Bien sûr, ça va être en anglais, faut pas déconner. Mais Apparemment, le livre est annoncé comme Metal Slug: The Ultimate History. Donc forcément, ça va, voilà, ça va envoyer du pâté. Moi qui adore cette franchise, apparemment, il y a des interviews de développeurs, des trucs comme ça dedans. Ça a l'air d'être plein de bonnes choses. Par contre, le prix est pas annoncé. À mon avis, ça va, voilà, ça va être aux alentours des 40 pruneaux plus les frais de port, quoi. Mais voilà. Et comme d'habitude Il n'y a pas chez eu de Bitmap. bouquin, non, de Metal Slug? Il y a eu Comment, déjà des Ozik? bouquins rétrospectifs de Metal Slug? Non, il y a des artbooks Metal Slug, il me semble. Hein, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il y en a un qui existe. Le temps que Billon le relaie. Juste un petit mot rapide. Est-ce qu'on sait sur quel modèle ça va être vendu? Est-ce que c'est que ça va être des préco classiques? Est-ce qu'ils vont nous faire un Kickstarter? Comme c'est le cas avec eux d'habitude? Rien marqué. Rien marqué. J'essaie de voir la news originale. Et. News de chez nos amis Retro Collect, Non, site de je famille. Ah directement bien. sur le site Bitmap Ok. News. Et je ne vois pas Ouais, non, c'est pas. d'informations. Il y a rien marqué non plus chez Retro Collect. Non, Donc. pré-order July, planète for September. Donc, a priori, il n'y aura pas de. Puisque Bitmap Books sont des habitués de quand même des campagnes Ouais. Kickstarter pour pimper les bouquins et augmenter le nombre de la pagination et toutes les petits goodies qu'on pourrait avoir autour. Donc, en fait, le livre contiendra 11 interviews exclusives de développeurs et d'artistes créatifs. Voilà. Mais, voilà. Ils promettent le bouquin le plus complet possible sur la série. J'en doute pas. C'est juste que je vois juste quelques pages et déjà là. Comment dire j'ai le bâton. Voilà. On va dire ça comme ça. Ça a l'air intéressant. D'accord. Ouais, non, ça a vraiment l'air très bien. Ça va être long jusqu'à Et. septembre. Ouais. Va falloir que j'aille consulter. Priapisme. Ouais. Parlant de Bitmap Books. D'ailleurs, c'est marrant, Bitmap. Bref. Y a, donc, moi, j'ai reçu de mon côté un livre aussi de leur part que j'avais backé, le Visual Compendium de la Master System, Ouais. qui est une très belle pièce. Avec des lunettes anaglyphes rouges et bleues pour pouvoir voir les jeux, mais des pages sur les jeux 3D qu'ils ont fait en anaglyphes pour rigoler. Et comment dire, la qualité est excellente, le contenu, comme tu l'as dit, donc il n'y a pas forcément beaucoup de texte, mais c'est très visuel, c'est très beau, les photos sont magnifiques, tout est vraiment très très bien mis en valeur. C'était emballé. Genre le truc, je pense qu'il aurait pu subir trois attaques nucléaires, il n'aurait pas bougé. C'est-à-dire à la fois protégé par de la mousse, à la fois protégé et de manière étanche par un sac autour du paquet en carton. Enfin, c'était juste le truc, il pouvait pas bouger quoi. Donc c'est du superbe, c'est du très beau, très très beau travail. Et surtout une pensée pour Sam d'ailleurs, qui est à l'origine du livre et qui a dû subir, donc on l'avait dit, l'incendie de l'entrepôt qui avait brûlé le premier batch de livres. Bon, tout est bien qui finit bien, les gens sont en train de les recevoir petit à petit. Et Est-ce que moi c'était perso. cette édition-là qui où t'étais pas certain qu'il y ait une rétrospective de d'absolument tous les titres Master System? Alors, il n'y a pas de Wonder Boy. Ils n'ont pas Ah bah réussi à voilà. avoir les droits. C'est les seuls qui manquent. Malgré l'aide d'Omar Cornu, Ouais. qui signe également une partie Ouais. de enfin, certains textes en bouquin, ils ne sont pas arrivés à voir. Mais par contre, alors, c'est pas ça n'a pas pour vocation d'être exhaustif. C'est pas Ouais. du tout. Le but, c'est Bah, juste. c'est dans la série Compendium, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Donc, ouais, mais c'est dommage parce que quand même Wonder Boy, c'est. Pour ceux qui veulent voir ça, là il est en préco, pour ceux qui n'ont pas backé, et ça va arriver normalement incessamment sous peu. Pof, voilà, c'est là. Donc je recommande pour, encore une fois, les amoureux de ma soeur. Il y a d'autres compendiums qui existent pour d'autres consoles. Il y a la NES, la Super Famicom, il y a d'autres très belles choses, il y a du ZX Spectrum. Vraiment de très très beaux livres de la part de Bitmap. Et Commodore 64. Après, je regarde leur historique des trucs faits pour Kickstarter. Ils n'ont pas backé systématiquement, ils n'ont pas passé par le financement participatif pour tous leurs Non. bouquins, en fait. C'est pour les compendiums, oui, Ouais. parce que les compendiums, comme je dis, c'est pas but d'être exhaustif, et sur le coup, franchir des paliers pouvait Ouais. amener une encre de meilleure qualité ou plus de pages ou des petits Ouais. goodies en plus, comme Donc, ces fameuses ouais. lunettes 3D. Donc, Donc, a ouais, priori. pour le coup, je me dis que le Metal Slug, pour revenir dessus, à mon avis, ça va passer par leur site web. Ouais. Va falloir surveiller ça, en tout cas. Ah, ben voilà. Ok, donc ah oui, je voulais rapidement glisser un petit mot parce que on parlait tout à l'heure entre parenthèses des manettes Retrobit. Donc j'avais reçu mes deux manettes Saturn Retrobit, une avec connectique original et une avec connectique USB, deux modèles Skeleton. Et j'avais eu quelques soucis avec la croix de direction qui se barrait de son emplacement. Donc un mois après, j'ai reçu les manettes de remplacement. Elle fonctionne parfaitement. J'ai eu double pas de chance en tombant sur une série défectueuse, confirmée par d'autres avis sur des Amazon à l'étranger, en particulier en Angleterre, de gens à qui c'est arrivé également. Si d'aventure ça vous arriviez, bref, si ça vous ça arrivait, voilà, vous pouvez directement contacter Retrobit. Alors c'est en anglais, forcément, ils vont pas vous parler en français, mais même si c'est un petit peu long, il vous la change la manette, il n'y a pas de souci pour une qui fonctionne parfaitement. Sur le coup, je peux dire que c'est nickel, la reproduction est excellente, la croix de direction est peut-être pas aussi précise que l'original, mais bon, ça va. J'ai lancé quoi, Lords of Thunder sur Mega CD, j'ai fait la moitié du jeu sans souci. Ça va, voilà. Et pour le tarif, c'est-à-dire 20-25 euros suivant la connectique. Pour moi, c'est 100% tout bon. Comme Jacques. C'est ça. J'y ai pensé très fort. 100% all good. Ouais. Donc moi, effectivement, toi, tu as reçu une manette qui fonctionne. Moi, ma manette, Enfin, elle fonctionnait bien voilà. dès le début. Qui n'avait pas de souci. Y a Il juste un. manquait, moi, il manquait les petites vis que pour tenir là. Y a juste un truc dont je n'avais pas parlé, du coup, bah, je vais en parler là. C'est que ces manettes-là ne sont pas compatibles, apparemment, hein, avec des câbles d'extension éventuels. Alors, elles sont pas compatibles avec les câbles d'extension et apparemment, elles posent aussi problème avec les multitaps. D'accord, bah ça je savais pas non plus, tu Alors, j'ai vois. pas testé, mais apparemment, il y a des gens qui ont râlé, qui ont dit que ça met le why quand on utilise une multitap sur une Saturn. Voilà. Et par rapport à une manette 8 bits d'eau, c'est des manettes filaires déjà, donc on n'est pas du tout sur la même catégorie. On est aussi sur un tarif qui est quand même relativement Alors inférieur. oui, relativement pas du tout, oui, le même, c'est 3 fois moins cher. Voilà. Donc sur le coup, pour le tarif, pour moi c'est OK. Voilà. Ça fonctionne, ça fait le taf. Et une manette Saturn officielle, entre guillemets, en USB pour jouer aux émulateurs aujourd'hui, moi j'en ai rêvé pendant pas mal d'années et je suis très content. Mais en gros, c'est de la. Enfin, moi, je recommande. Je recommande. Par contre, oui, effectivement, pour le multitap, c'est dommage ça. Mais du coup, c'est logique, hein, c'est cohérent. Parce que dès que tu fous un câble d'extension, paf, c'est baisé. À mon avis, il y a le signal qui s'atténue trop dans certains des circuits de la manette et ça fait de la merde, quoi, je sais pas. Petite peut-être comment dire piste possible maintenant enfin les manettes maintenant il y a quand même généralement un circuit intégré des petits condensateurs des petits trucs comme ça il y a peut-être un jeu de résistance qui bouffe en fait trop de signal ou quelque Ouais, chose comme ça c'est ça, ouais. donc peut-être éventuellement si quelqu'un a envie de mettre les mains dans le cambouis je pense que ça peut se résoudre faut voilà. Bon, rapidement, d'autres petites news avant de passer quand même au gros sujet. Le retour de Cotton. Cotton Reboot annoncé sur PS4, Switch et PC. Belle, c'est pour Encore un toi ça. jeu. Belle. Ben oui, Allô? je suis là, j'écoute. Je ne sais pas quoi penser. J'ai envie de faire une blague à base de est-ce que vous pensez qu'ils vont faire exprès de le distribuer à 100 exemplaires pour qu'il devienne rare et cher comme les autres? Comme tous les cotons. De toute Quel façon, est il n'y a pas. l'intérêt de faire un reboot d'une série qui est tellement connue que personne ne les a parce qu'ils sont totalement hors de prix? Ouais, voilà quoi. Mais c'est un Et peu comme les Lancers, vu hein, que c'était Beyond la boîte Steel. qui s'occupe de ça, aussi en projet de faire revenir Moucha. Hein. D'accord. Parce que voilà, enfin Cotton, donc oui, Cotton c'est quoi? Pardon, Cotton c'est un cute'em up 2D Une horizontal petite au sorcière. départ, qui s'est commué en 3D, entre mais il y a deux épisodes 3D, c'est-à-dire il y a Cotton Panorama Cotton sur Mega Drive et Cotton 3D sur Dreamcast, qui sont vus de l'arrière, donc ils sont un petit peu différents, mais c'est toujours le même principe, c'est une petite sorcière sur son balai, façon un petit peu kiki. Ouais, c'est ça. Et c'est des jeux qui sont, c'est des shoot 'em up qui sont très sympas, mais la carte d'arcade est connue comme étant une des cartes d'arcade les plus rares qui existent. Le jeu Mega Drive est un des jeux japonais les plus rares qui existent. Les jeux Saturn, le Cotton 3D en particulier aujourd'hui, vaut entre 300 et 400 euros. Enfin, c'est complètement absurde. La version, il existe une version sur Neo Geo Pocket Color aussi qui vaut extrêmement cher. Oui, effectivement, j'en parlais. Tous les jeux de la série Cotton valent une blinde. C'est des jeux qui sont super sympas, mais jouez-y en émulation. C'est mieux. Vous allez gagner du temps. Oui. Et donc, on n'en sait pas plus pour l'instant. Wait and see, voilà. Dès qu'on en saura plus, on vous le dira. Autre petite chose, on nous annonce, pour célébrer les 25 ans de Little Big Adventure, ils vont sortir la BO sur CD ou vinyle. Apparemment, la campagne est lancée sur Kickstarter. Alors, je vais trouver ça vite fait. Hop. Kickstarter, Bubsy, Pops of... Ah, pourquoi j'ai encore ça, moi? Donc oui. Donc sur Bubsy. le coup, Il Little Big avait écrit Adventure... cette blague. Elle était sur ses notes. Ah C'était mais je écrit. sais, Je le ah non, sais. même pas. Je suis totalement innocent. C'est ça. Et donc qu'est-ce que c'est Little Big Adventure? C'est Oui. Le jeu d'aventure à la française, ma petite dame. C'est C'est ça. ça. C'est un jeu qui avait quand même marqué beaucoup dans les années 90, hein, à sa sortie. Et moi, c'était la première fois que je voyais des petits personnages en 3D, en fait, quand même. On dirige un héros qui s'appelle Twinsen dans un espèce de pyjama bleu improbable. C'est une espèce de 3D isométrique. Et la particularité, c'est une espèce de jeu d'action-aventure où le personnage peut avoir quatre humeurs différentes qui lui permet soit d'avancer doucement, de frapper, de courir ou de marcher normalement. C'est ça. Et c'était extrêmement lent, hein, à l'époque. Alors, je suppose que ça n'a pas dû s'arranger avec les années, quoi. Il était Mais. sorti sur Play 1 en plus de sur ordinateur. Et la suite, The Big Adventure 2, elle est par contre exclusive au PC. La bande son a été signée donc Philippe Vacher. C'est une bande son qui est absolument fantastique. Exceptionnel. Voilà. Et donc je vous ai mis le lien. Sachez que c'est déjà financé. Voilà. Pouf, ça y est. Il reste 36 jours avant la fin, c'est déjà financé. Et vous pouvez vous offrir donc supervisé par Philippe Vacher lui-même comment dire, réédition symphonique des musiques de Little Big Adventure 1 et 2. Format CD, vinyle, digital, comme il vous plaira. Je sens que vous êtes heureux. De la joie, mais je trouve Non, que c'est bah, une c'est pas des ça. films, Enfin, ça. moi, non, c'est très bien. Par contre, je suis en train de regarder en fait les rewards du Kickstarter. Enfin, tu files 15 balles, t'as le truc en digital, mais 25 balles pour 25 pruneaux pour avoir un scud, 25 pruneaux pour un CD. Bah, ça pique un peu, quoi. Bon, c'est un CD Enfin, double. oui, mais enfin bon. Ben oui. Alors, sans transition, on va pas parler d'autre chose. Parce que on va pas encore parler de dépenser de l'argent, parce qu'on n'est pas comme ça. La Non, non, société non. IAM 8-bit, que j'adore, Kappa, Oui. sort une réédition des jeux Earthworm Jim 1 et 2 sur Super Nintendo. Oui, alors là. Les deux sur la même cartouche. Seulement, je l'avais le nombre, 2000 exemplaires, dont 100 qui auront une cartouche couleur vache. Oui, elle me fait triper depuis tout à l'heure. Donc c'est du Voilà. NTSCU et il vous en coûtera la coquette somme d'environ, on va pas pinailler, 150 balles avec les frais de port et la douane au passage. Voilà, donc allez, 180 balles et puis voilà. 180 dollars et puis c'est bien. C'est Et donné. donc, C'est donné. oui. Ce qui me donne la, donc la, la, ce qui moi me fait avoir la réflexion suivante. On a d'un côté les Japonais qui rééditent Glaylancer sur Mega Drive pour 50 balles. De l'autre, les Américains qui rééditent Earthworm Jim 2 Super Nintendo pour 150 balles. Okay. D'un côté, on a un jeu rare édité pour pas cher. De l'autre, deux jeux pas chers édités pour la peau du cul. On vous laisse vous faire votre avis. Je crois que c'est... Il est orienté, il est orienté. Je suis d'accord avec lui. Mais, vous Mais évidemment, c'est incompréhensible, parce que comme on en avait parlé, Vision des mois, c'est qu'en fait, les jeux Worms Engine, tu les as moins chers à côté, quoi. C'est pas normal, quoi. Les originaux. Donc, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ils savent très bien qu'ils vont se faire du fric avec. C'est ça, ils ont été dévalisés avec les Street Fighter 2, ils ont été dévalisés avec les Mega Man X. On peut pas leur en vouloir de continuer. Hein, dans cette après, les... Alors, Street 2, je sais pas, Mega Man X, en fait, ils le vendaient grosso modo au prix que tu pouvais trouver le jeu sur eBay. Mais là, 150 balles, par contre. On nous pose une question en fait, dans le chat. On pose une question dans le chat, est-ce que c'est pas le genre de cartouche qui crame comme pour la réédition de Street Fighter? Ben en fait, il me semble que c'était les mêmes. Hein. Alors après, est-ce que c'est vraiment, ça fait vraiment cramer les consoles, ça on sait pas. Hein. Alors pour Street Fighter, je crois que oui, ça a été prouvé. Par contre, d'accord. Ouais. Par contre, les autres, je crois qu'ils ont corrigé le problème. Hein. Oui, parce que là, c'est plus du tout. Ils en parlent plus du tout, donc a priori. Oui. Déjà pour Mega Man X, hein, c'est normalement c'est bon. Hein. Ah d'accord, ok. Okay. Donc, Jim, hein. En attendant le 3. Le 3, Earthworm Jim 3, pas le 3. Oui, bref. Oui, donc, et une dernière petite news concernant une nouvelle console donc, qui s'appelle la Playdate. Playdate, on va le dire à la française. La Playdate. Une petite console portable à manivelle monochrome. Je pense que tu peux mettre des jeux de pêche dedans en fait, hein, avec la manivelle, ça fait un. Non, mais je suis admiratif des gens qui vont penser à ce genre de choses. Bah, en fait, c'est pas tant le concept. Je laisse Vision finir. Et tu oui, parce que le concept, j'ai envie. Le concept, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est la suite qui va vous. Voilà, parce que déjà, la console elle-même. C'est sympa, ça vous rappellera les meilleurs moments des consoles Nintendo des années 80 avec des angles partout, forcément, un truc carré avec deux boutons et une croix, certes. Et intégrale, hein, parce que la console n'est pas non plus rétro-éclairée, hein, je tiens à le préciser, elle n'a pas de rétro-éclairage. On dirait un lecteur MP3 des années 2000. Donc, hein. Vous allez pouvoir vous offrir cette petite console moyennant la bagatelle de seulement 150€. Ouais. Et puis là, ça va se gâter. La console est censée être vendue avec une dizaine de jeux qui ne se débloqueront qu'au fur et à mesure lorsqu'elle sera connectée en Wi-Fi et que l'éditeur aura décidé de les débloquer, manifestement sans plus de précision. Voilà, et attendez. Et ensuite, apparemment, le modèle financier choisi serait une espèce de location de jeu. Oh non, d'abonnement pour avoir de nouveaux jeux dessus. Non, c'est 12, pas 10. 12 titres, pardon. C'est ça, le concept. Moi, on a compris la même chose. C'est ça. Et ce que j'ai pas compris, c'est est-ce qu'on garde les anciens jeux ou est-ce que c'est vraiment tu joues un jeu une semaine et après tu changes. C'est ça que j'ai pas compris, moi. Voilà. C'est là où... Mais l'un dans l'autre, enfin, il y en a un qui est pire que l'autre, hein, mais pour moi, ça va être un non. Bah moi ce sera un nom. Juste pour dire quand même, là faut le souligner, c'est qu'elle a vraiment un bon design hein, quand même. Hein. Je trouve que la gueule, elle a un design de lecteur MP3 des années 2000. Merci Bosdix. Non, le design, bon, relativement cool. Sympa. À préciser que c'est l'entreprise américaine Panic qui est derrière, qui a édité Firewatch. Ouais. Et un des jeux, donc le Crankin's Time Travel Adventure, a été conçu par un certain Keita Takahashi, qui est le créateur de la série Katamari Damacy. Est-ce que ça va suffire à me faire acheter ça? Ah, ben alors, ça je savais pas, et Babillon... Je sais pas. Là, tu pourrais, toi? Non, 150 balles. Ceci étant dit, $150, mais attention, parce qu'il y a quand même un truc. Pour douane. Non, c'est... Alors, peut-être... Oui, peut-être, parce qu'ils savent pas encore dans... ils savent pas dans quel pays ils vont le vendre, le truc. sans doute aux États-Unis, sans doute aux États-Unis comme concept. Mais après, voilà. Donc, le concept, plus tu remontes la manivelle, plus tu débloques des jeux. Non, mais... Moi, avant de lire la news, moi je pensais que c'était genre tu tournais la manivelle pour recharger la console, tu sais, et qu'un délire de batterie solaire ou je sais pas quoi. Voilà. Mais dynamo, sans... quoi, voilà. Enfin, c'est bien de tenter des choses, c'est bien de tenter des choses. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Dit comme ça, mais le prix... C'est vachement convaincu. Je vais les appeler pour faire une version noir et blanc, dans monochrome du clip de Mano. Ça peut marcher. Ça peut être bien pour le marché français. Ouais, moi je préfère l'orange du marchand. Mais... Oui, mais faut pas tourner la manivelle. Ça marche moins bien. Je suis pas là. Oh là là. Et puis quand je vois les deux prochaines news, là, je suis pas bien. Là. Ce qui nous emmène aux news. Alors, on a travaillé un truc, c'est des news transition qui nous permet de transitionner vers le sujet principal. Et donc, dans un premier temps, nous sommes heureux de vous apprendre qu'une VHS a été exhumée. La VHS, c'est l'ancêtre du DVD, oui. Qui a été exhumée avec... DVD, c'est l'ancêtre du Blu-ray. Ça marche aussi, j'aurais 4-4. Mais... Donc, ils ont. Oh, c'est du pas comment, tout ça, pouf. Bref, une machette avec le marqué. C'était avant Netflix. Pardon, excuse-moi. Je... Super Mario Bros. Ça sort la facile. Cut footage. Des scènes coupées du film Super Mario Bros. Ouais, voilà. C'est beau. Donc, dites-vous que ce que vous avez vu dans le film, là, c'était vraiment ce qu'il y avait de meilleur, du coup. C'était les bons morceaux, non, c'était ce qui méritait d'être dans le cut final, quoi. Ah, mais voilà. Pas forcément. Tu sais, c'est comme Batman v Superman, oui, la version complète est meilleure. Hein oui, oui. Ouais, non, mais là, tu peux rajouter ce que tu veux, ça sera jamais meilleur. Hein. On espère chaudement que cette VHS, déjà, ne soit pas totalement démagnétisée, et soit à l'heure actuelle entre de bonnes mains, qui nous permet d'avoir de jolies images YouTube en 480p dans pas longtemps. Ah, 480i. Pour voir des... Non, ouais. Des choses inoubliables. Ah ouais, pour voir Dennis Hopper au Bowser. Oh, putain. Il a dû le regretter, ça. Hein, ce... Et le pire, c'est que j'ai découvert cette semaine qu'il y avait une série dérivée, y compris des figurines, sur ce film. Ah ça, ça m'étonne pas, ça. Je suis tombé au pif complet sur eBay, j'ai regardé si je peux pas le retrouver. Ça piquait les yeux, ça. Ah, ça m'étonne pas, ça. Je suis tombé dessus hier soir, je me suis dit, putain, mais ça existait ce truc. Wow. C'était les figurines genre Bowser, là. Oui, oui, oui, bah attends, je vais essayer de la retrouver. Parce qu'à mon avis, c'est quand je suis tombé dessus hier, ça m'a fait brûler les yeux. Je vais réussir à la retrouver, je suis confiant. Et ce qui nous amène donc à l'ultime news, qui fait le lien avec notre sujet principal, à savoir une déclaration de Sony. Pompelle, je t'en prie. Mais oui, et donc Sony se lance dans la production de cinéma et série télé en créant un département entièrement consacré à ça, qui sera donc le PlayStation Collection. Alors ça, on a vu des bâtiments, des locaux et tout, et ils vont y mettre les moyens, mais de toute façon ils le faisaient déjà plus ou moins, hein, tu sais, dans la création cinématographique avec les Spider-Man, ou toute leur chaîne cinéma. Sony, et donc ils vont adapter leur série populaire du jeu vidéo sur PlayStation en série télé ou au cinéma, et moi je trouve que c'est une bonne idée. Franchement, il y a des séries, alors évidemment oui. Non mais il y a des jeux, ils sont déjà presque des films, quoi. Enfin, tu te mais dis, voilà. Enfin... Ouais, mais c'est des univers étendus, et il y a des univers qui le méritent vraiment, je pense. Tu vois, c'est comme quand tu vois... Un film et que tu as envie de poursuivre l'aventure avec. Tu sais, quand tu vois Star Wars et que tu veux connaître encore d'autres histoires sur Star Wars, et ben il y a l'univers étendu de Star Wars, c'est en roman ou en bande dessinée. Et moi, je trouve ça bien d'enrichir ces univers-là. Parce qu'il y a des trucs vraiment bien foutus quand même. Et God of War, ça pourrait marcher. Uncharted aussi. C'est. Moi, Uncharted, je suis d'accord uniquement s'ils prennent Nathan Fillon. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Mais alors... 100% avec toi, Boss Dick. Pareil. Le fan film avec Nathan Fillon était vraiment bien. Ça donnait Nathan vraiment Fillon, envie. Quoi. Il est fait pour ce rôle. Oui. C'est Drake. Oui, carrément. Je suis d'accord. Et disait aussi l'univers d'Horizon Zero Dawn qui s'appelle. Ah ouais. oui. Mais carrément, oui. Et tu vois, mais... Gravity Rush, ouais. Ah non, pardon, je... ouais, mais tu vois, un Horizon sans même faire un film, ça pourrait carrément donner une série, tu sais, avec l'héroïne à Aloy, mais franchement, ça pourrait faire un truc mortel. Et ouais, mais on sait très bien que ça sera dégueulasse, malheureusement. Oh non, bah pas forcément, je veux dire, les productions Sony au cinéma, il y a eu des trucs vraiment bien, hein. Je veux dire... Le Spider-Man là, qui est sorti, Spider-Verse, quand même, c'est super bien foutu. Quoi. Et puis même celui qui n'a pas marché, le Ratchet & Clank, ils avaient déjà testé hein, cette idée-là. Mm-hmm. Et ben, le film est pas mauvais. Hein, le Ratchet & Clank est pas dégueulasse, ouais. Il est... Ouais. C'est un film d'animation. Voilà, mais c'est vraiment sympa. Mais il n'est pas mauvais. Donc moi, j'y crois vraiment, parce que ça a déjà fait ses preuves, en réalité. Moi, je trouve que c'est cohérent. Et ça vous laisse sans voix. Hein. Et donc, sur le coup, on va parler donc de toutes ces... bah non, parce qu'on attend la suite. C'est grande. On va voir des images, en fait. Oui, des adaptations. On va parler donc des grandes réussites des adaptations de jeux vidéo ces dernières années. Donc, depuis le début, en vrai, on peut en parler depuis le début. Bon, alors, on commence par quoi ? Par Mario Bros, vu qu'on a déjà commencé à en parler, ou ça vaut pas la peine ? Le film. Ah, mais si... Commençons par le pire. Débarrassons-nous du... Alors, est-ce que c'est le pire ? Alors, là, je vais vous poser une question. Oui, est-ce que c'est la pire adaptation ? Non, parce que j'en ai quelques-unes en stock. Aussi, hein. J'ai pas de ton sac à caca, Buzzdick. Qui me donne envie de pleurer. j'ai des trucs pas piqués des verres pour citer Abraham Simpson. Ah oui, aussi. Ah ouais, non, t'inquiète. Hein. Bon, en fait, Mario Bros, c'est terrible parce que c'est un naufrage. Le film, en ouais. Et pourtant, un casting assez hallucinant, hein, quand même, faut le remarquer. Denis Hopper. C'est surtout qu'on se demande, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles sont en foot là, quoi. Bah oui. Comment des mecs comme. Bah oui, Denis Hopper ou Bob Hoskins. Easy Rider, Denis Hopper. Et Mario. Puis Bob Hoskins, quand même, quoi. Je sais pas, c'était quand même. Le mec, il. Alors, comment dire. Roger Rabbit, c'était avant ou après ? Je me rappelle plus. Je crois que c'était avant. C'était avant. Ouais, Roger Rabbit était avant. Oui, ouais. Oui, oui. Oui, bah alors tu vois, c'est chaud, le mec, il a Roger Rabbit. Ah oui, c'est bien avant. Hein. Du coup, voilà, il avait quand même un CV assez monstrueux. Quoi. Et puis là, il s'est passé quoi en 93 Il s'est passé un chèque. Ouais. Un gros chèque. Un gros chèque, ouais. Et un gros sac rempli de cocaïne, à mon avis, derrière. Oui, parce que pour jouer. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est. Non, mais il faut expliquer pourquoi le film n'est pas bon. On peut dire pendant des heures que le film n'est pas bon. Il faut dire pourquoi. Ah oui, non. Oui. Oh, bah, c'est parce qu'il respecte absolument pas l'univers du jeu vidéo déjà. Non, mais ça va bien au-delà de ça en fait. Il y a plus... Je crois qu'ils n'ont pas changé plusieurs fois de scénario, des trucs comme ça. Bah, ils n'ont jamais réussi à être d'accord sur ce qu'ils voulaient écrire. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Et que comme ce genre de script est passé de main en main, au final, ça accouche un film comme ça. Après... Ouais. Et tu sais que ça se rapproche avec un petit peu ce qui arrive en ce moment avec Uncharted, hein, quand même. Hein, le film. Oui, il a changé de 5 réalisateurs en 10 ans. Le problème d'Uncharted, c'est pas un problème, mais Uncharted, c'est... en termes de script, c'est plus facile. Parce que t'es quand même dans un univers réaliste. Oui. Mario Bros. L'aventure. L'idée d'adapter... L'univers de Mario Bros en film, live. Mais oui. C'est déjà une idée qui a lieu là-bas. Mm-hmm. Tu te dis comment tu peux faire ? Ben voilà, ils ont fait. Mais en changeant tout, tu regardes les Mario Luigi qui y sont. Regarde Peach, tu regardes. Yoshi. Ah, ouais, oh, j'ai oublié. Non. Non, c'est pas bien. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse de métalleux en. Parlant rapido de la bande-son, où on retrouve en vrac sur la bande-son donc de Super Mario Bros. Un titre de Extreme, du Joe Satriani, du Megadeth et du Queen. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Associé à Mario Bros. Le truc que je retiens le plus du film, c'est cette petite bobombe qui marche, et elle marche sur un grillage, et du coup après t'as un plan sous la bobombe où elle a des chaussures Reebok. Et où ils font un plan exprès pour montrer les. Enfin, il y a que ça que j'ai retenu presque. Voulu effacer tout le reste de la mémoire, mais je me souviens de trucs et j'ai pas envie. Et avis aux collectionneurs, la bande existe au format CD. Donc le CD, c'était l'ancêtre du MP3. La bande son existe au format CD et encore mieux, toi, le collectionneur au fond, le disque existe en laserdisc doublé en français. Oh la vache. Oh, ah, oh ouais, my god! Bien. Ah là là, bien, ça. Bien, bien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que pour Mario Bros, il n'y a personne qui voulait réaliser. Résultat, ils ont donné ça à Rocky Morton. Vous regardez sa Wikipédia, vous regardez ce qu'il a fait, et vous apercevez ouais. qu'après Super Mario, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Alors si, malheureusement, par contre, si, parce que c'est, la réalisation, c'est rigolo. Quand tu vois Super Mario Bros, tu regardes la ligne suivante, il y a marqué publicité de lancement ouais, pour vrai. La console de jeux vidéo Sega Saturn. Je crois que... Comment dire ? La totale. Et Annabelle Jankel, c'est pareil. Elle était scénariste et tout à la réalisation, mais c'est pareil. Rien. Quasiment rien après. Donc, bon. Merci Mario Bros d'avoir tué ces gens. Bah après, enfin, je veux dire, dans le genre nanar comme ça, bon, il y en a plein, on est d'accord. Oh oui, bon, on va en parler de plein. Oui, voilà. Et juste pour rester sur Mario quand même, avant de changer, parce que moi je voulais parler aussi des adaptations BD, c'est que Mario, il y a eu quand même beaucoup d'adaptations en bande dessinée, mais je voulais quand même parler vite fait celle du manga. Oui, quand même, oui, un petit peu. Oui, le manga, j'aime bien comment il est dessiné, le manga. Alors, c'est extrêmement bien dessiné, les petits personnages, Mario et Luigi, sont bien. Mais alors, la différence, c'est quand même un Kodomo, hein. Je veux dire, tu vois ce que c'est, ouais, mais c'est quoi, c'est la vieille version, celle de 83? Oui, non, pas 83, 91, je crois. 91, qui est arrivé chez nous il n'y a pas longtemps. Oui, c'est oui, ça. Oui. C'est Florent Gorge qui le traduit. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, c'est un Kodomo, donc, tu vois, c'est vraiment petit, en fait. Hein. Du coup, c'est de l'humour, c'est un peu, comment dire, tu vois, ça s'éloigne quand même assez pas mal de l'univers, quoi. C'est ouais, très pénible. Ça se lit, ça se lit quand même facilement. Oui, oui. Pas de prise de tête. Ouais, il faut le lire aussi parce que vous verrez des trucs que vous voyez assez voilà. Chez Nintendo. Oui. Les blagues sur le pipi, les blagues sur le caca. C'est ça. Tu vois, c'est comme Dr. Slump, en fait. C'est hein. C'est et tu vois, t'as Mario, il va se forcer à manger quelque chose pour péter, et comme ça le fera courir plus vite. Tu vois, c'est ça. C'est des trucs qu'on voit pas chez Nintendo, quoi. Ah oui, voilà, c'est pas dans le jeu vidéo, mais ça marche en fait, parce que la réalisation est bien en fait, c'est vraiment bien dessiné. Ah, c'est là où tu te dis, il est passé des champignons aux haricots, quoi. C'est ça. Et du coup, oui, c'est un joli manga en fait, quand même. Il y en a beaucoup, hein. C'est toujours en cours, il y a 54 volumes et c'est toujours en cours. Oui. Je crois que j'avais acheté les trois premiers volumes. Ouais. J'avais fini par les donner autour de moi parce que voyant d'ailleurs le nombre de volumes, énormément. Si vous ne trouvez pas convaincant les BD, les versions manga, il y a deux BD occidentales qui existent, je vous mets le lien, BD Tech. C'est assez facile à trouver pour un prix modique. Elles sont toutes les deux, donc la BD de la Game Boy et Super Mario Bros. Elles sont toutes les deux numérotées 1. Ne cherchez pas les numéros suivants, il n'y en a pas eu. C'est sorti en 1992 et voilà. J'ai pas trop autre chose à dire dessus. Ouais, voilà. Mais je trouve que c'est du charme quand même, hein, ces bandes dessinées là. C'est pas évident. Ouais. C'est une autre chose. Voilà. Bah oui, oui. Tel Toad. Bowser, et donc le dessin. Oui, pardon. Moi je dis la tête du Toad des Bowser, hein, c'est pas mal. Donc Mario a eu droit à son dessin animé également. Mais oui. Alors avant même le dessin animé, il y a des choses outre-Atlantique qui étaient assez étonnantes. Ils avaient une plage horaire qui s'appelait Saturday Supercade, où il y avait en fait, c'était une demi-heure tous les samedis matins, avec des petits cartoons avec du Frogger, Q-Bert, Pitfall Harry, Space Ace, Kangaroo, Donkey Kong, Donkey Junior. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Nintendo Cartooner, auquel je suis abonné depuis un petit moment, et on peut retrouver tout ce petit truc, voilà, gratuitement. Je vous mets dans le chat, alors attention, hein, la qualité, elle est des fois mal dégueulasse. Mais voilà, si vous voulez vous faire une idée, et si comme moi en fait le dimanche matin c'est bol de Chocapic et dessin animé, ça peut se faire, voilà. Ouais, mais c'est très, ça c'est un bon rituel ça, le samedi matin, bol de Chocapic. Ah ouais, depuis... Ouais, ça fait un petit moment ça, j'ai ce rituel le dimanche matin. C'est le rituel de Calvin et Hub ça. Donc voilà, là c'était quelque part le point zéro on va dire. Du dessin animé. Ah, et j'avais aussi un article aussi justement à ce sujet sur les adaptations cartoon Nintendo Outre-Atlantique. Voilà, sur un site qui s'appelle Fanbyte. Voilà, je vous donne ça. Donc voilà, Pourrais donc me Mario n'a pas eu une bonne adaptation au cinéma. Non, En mais tout cas, moi, heureusement qu'il n'y a pas d'autres films prévus, tu me diras. Bon, le dessin animé, moi, j'en ai aucun souvenir. Je n'ai jamais regardé en France. Attends, mais tu voulais amener là-dessus, vas-y. Passer sur la 2. Passer sur la 2, il me semble. Yep, dans Télévisateur. C'est ce qu'a ouais, mis Caps sur le chat. Mais si c'est prévu, vas-y, que le film Mario. Oui. Non, non, non. Si. Non, si, non, si, mais pas, prévu, non, mais pas, prévu, hein. Pas un film live. Ah ben non. Voilà. Parler de film live. Ah oui, d'accord, ok. Plus jamais d'acteurs. Oui, oui, oui. Vrais acteurs. Oui, un film prévu par Illumination. Si j'ai bien compris, le deal, c'était vous faites un film d'animation, si ça sent la merde, on annule tout. Ouais. il me semble que c'était le deal. Mais en gros, c'était vraiment en mode, vas-y, faites votre truc si vous voulez. Mais par contre, on regarde à un moment, et si on voit que ça pue, cassez-vous, quoi. Je crois que c'est ça qu'ils ont dit. Putain, Mario, ça fait quand même presque... Ça fait jurisprudence maintenant un peu, l'affaire Mario. Ah, je crois, ouais. Je crois que ça a calmé pas mal de monde. Bah, en même temps, le film était médiocre. Parlant des adaptations de jeux vidéo, moi j'avais envie d'évoquer un phénomène. Un grand homme dans l'adaptation du jeu vidéo en film. Pardon. Ah oui, d'accord. Un Allemand. Ah, qui s'appelle Uwe Boll. Comment est-ce qu'on prononce ce prénom déjà? Je ne sais pas, je n'ai pas Uwe. Skolofenstrubol. Skolofenstrubol. Uwe Boll, non? C'est du suédois. Ouais, Uwe Boll. Alors, le type est tellement connu qu'il est surnommé Nouvel Ed Wood et la presse américaine l'appelle Master of Error. Ça, par contre, la référence à Carpenter, je la kiffe. Je trouve ça tellement magnifique. Ouais. Il a... Par contre, le Nouvel Ed Wood, je suis pas d'accord. Voilà, il a donc ses succès, ses films sont un succès critique hallucinant, mais grâce au système de financement allemand, ça lui permet de continuer à en réaliser. Et Plus maintenant, voilà, oui, c'est passé, ça a duré pas mal de temps. Et en septembre 2006, il a décidé d'inviter les gens qui ne l'aimaient pas à se battre contre lui sur un ring, ouais, non, mais en ne mentionnant pas le fait que, évidemment, il a fait de la boxe auparavant. Ça, c'est totalement ça. Il a littéralement cassé la gueule et il a déclaré ce jour-là, un poing dans la gueule, c'est le meilleur moyen d'aimer mes films. il me semble, le mec, c'est un ancien boxeur amateur ou une saloperie comme ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'effectivement, il a omis de le dire en faisant ça à la rigolade, en fait, alors qu'il voulait juste péter les dents de ceux qui... Et je sais qu'en France, c'est illégal en plus de faire ça. Ah, mais bien sûr, totalement. En Allemagne, apparemment, pas de problème, mais en France, c'est illégal. Hein. Bien sûr. Je pense qu'on peut critiquer ça. De toute façon, en France, si tu fais des combats de boxe ou tu passes par les commissions athlétiques, des machins comme ça. Ah oui, oui, moi je parle vraiment du fait que... On en a eu un exemple récent. Hein. Oui, oui. pour pas les mentionner, on a eu un exemple récent. Mais je veux dire, en France, quand tu es un combattant d'un sport de combat comme ça, tu peux pas te battre avec quelqu'un en fait. Ou alors tu es obligé de lui dire, attention, je pratique du sport de combat à haut niveau, tu vas peut-être me ramasser tes dents. C'est ça, tu vas peut-être avoir mal aux dents. C'est une loi française. Voilà, je suis en train de lire l'article justement là-dessus. Wikipédia, c'est perché. Hein. C'est ce qu'on vient de lire, mais puis c'est terrible. Et donc, oui, moi j'ai connu ce grand réalisateur, donc comme le dit Jamed sur le chat, avec sa première adaptation vidéoludique à l'époque, plein de curiosité que j'étais, The House of the Dead. Ouais. Seigneur. Bon, que m'ont dire House of the Dead? Le principe. Une bande de jeunes invités à une rêve party sur une île isolée qui vont se faire défoncer par des zombies. Voilà. Alors, le scénario, ça a l'air bien, après tout, c'est gratuit, pourquoi pas. Ouais, il y en a eu Sauf plein des films que, ça, hein. Non, ça marche pas. Notamment, enfin, voilà, un truc hallucinant, le film entrecoupe les séquences de point de vue réel avec des séquences du jeu. Si, avec ah ça. Oui, d'accord, ok. Mais alors, je veux dire, pour idée. Faire une référence ou pour donner un lien scénaristique entre les ah deux. Non, genre c'est une scène d'action et au milieu d'une scène d'action en prise de vue réelle, t'as des images du jeu. D'accord. C'était vraiment tu la dis... référence. Il a pris la licence. Oui, c'est oui, dit, oui. Il faut quand même que je fasse un truc en lien avec la licence. Il a rien trouvé d'autre que faire ça. En fait, c'était mauvais, mais ça faisait film entertainment récréatif, pourquoi pas. Et donc ouais, il a. T'as oublié de dire que c'était filmé avec les pieds. C'est bien. Mais surtout, le problème, c'est que il s'est dit, ah mais attends, ça y est, c'est mon nouveau leitmotiv, les adaptations de jeux vidéo. Et sur le coup, il nous a pondu un fabuleux Alone in the Dark. Qui. Je sais pas quoi dire. Déjà, on retrouve dans le film Monsieur Christian Slaté. Tu peux dire ça déjà. Alors, Christian Slaté, qu'on avait vu dans Video Kid, qui apparemment aime beaucoup les jeux vidéo. Hein. Et... Christian Slater. Oh mon dieu, oui, je oui. comprends. Oh la oui. vache. Christian Slater, oui. Christian Slater. Comment il a pu avoir ce mec-là? D'accord, ok. Mais le financement? Il avait ouais. de l'argent? Et le pognon? Alors... Le fric, c'est du pognon. Alone in the Dark, je sais pas. Bah, Alone in the Dark, j'ai un pote qui le résumait très bien. C'est le film où t'es jamais tout seul, jamais dans le noir. Oui. Qui fait mal quand même. Tu connais le jeu. C'est pas bien, je sais pas comment. Ah, c'est pas mal ça, musique. T'es jamais tout seul, t'es jamais dans le noir. C'est vrai en plus. Hein, c'est le genre de film qu'ils doivent montrer dans les écoles de cinéma pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ah ouais, ouais. ouais. Bah en même temps, je pense toute la filmographie, tout V-Ball, tu pourrais faire tellement de trucs. Ça marche pas. Je sais pas comment expliquer mieux que ça. Le film ne fonctionne pas. Oui, bah c'est pas son métier alors. Tout. Voilà, non, c'est de. Il a de pas compris temps. Comment ça fonctionnait. Quoi. Alors, et je tiens à dire que c'est d'autant plus une déception que. Ce film a une bande-son absolument fantastique, avec pour les connaisseurs du Dimmu Borgir, de Fear Factory, In Flames, Trapping on Lad, Dark Tranquility, Machine Head, Diligent Escape Plan, Cradle of Filth, et j'en passe. Non mais tous ces gens, c'est des cousins de Frankie Vincent. Et même du Nightwish, c'est improbable. La bande-son, enfin, je veux dire, l'ambition du film, le casting, la musique, tout, tu te dis, mais c'est forcément une super production. Et quoi? Voilà. Et c'est à partir de là, oui, qu'a commencé donc vraiment la légende du type. Mmh, ouais. Comme tu dis, le fait qu'on se dise c'est trop mauvais, il va forcément arrêter le cinéma. Et il revient avec Blood Rain, il revient avec Postal, il revient avec Far Cry. Oui, pardon. Et il continue à réaliser des films tous plus médiocres les uns que les autres. Et là, les gens oui, ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce monsieur arrive à avoir autant d'argent pour faire des choses aussi mauvaises? Comment c'est juste possible? Oui, parce qu'il y en a un paquet de films quand même. À son bah, c'est surtout déjà qu'il arrive à avoir les droits d'adaptation. Oui, et aussi. Les licences. Oui. Ouais, je me posais la question. Parce que je veux dire, au bout de trois fois, un éditeur, il a compris quand même. Et non, il touche pas. Jabed nous dit qu'il a fait un film moyen. Tu parles duquel? Darfour King Rising. Alors, je n'ai pas le chat devant les yeux. Il King Rising, non ouais. J'ai pas. Alors, je ne connais pas toute la filmo du monsieur. Ouais, je crois hein c'est en tout cas, ses récompenses voilà, expliquent le bonhomme hein, quand même aussi. Hein. Nommé au prix du pire réalisateur lors des Razzie Awards. C'est pas Postal. C'est Postal, ça, non? C'est Postal, ça. Bah non, le paintball, c'est... Attends, on va regarder. Non, parce que Postal, j'arrive pas à le considérer comme un... Un bon film. Comme même un film moyen. Il a pas dit un bon film, il a dit un film moyen, attention. Un moyen, c'est tellement cynique, c'est tellement cynique et tellement, il veut tellement montrer qu'il est irrévérencieux que ça marche pas. Non, c'est en pas tout cas, Ball, film, ça fait un film irrévérencieux. Pour Postal, You Ball, a affirmé qu'il voulait faire un film aussi drôle que les Monty Python. Alors, cette affirmation putain. Est drôle. C'est... Ah oui, c'est peut-être limite ce qu'il y a de plus drôle sur le... King Rising, je suis d'accord, c'est un film moyen. Mais c'est un film moyen parce qu'aussi il y a Jason Statham dedans. Oh voilà mon dieu. Oh my God. Aaron Perlman aussi, Ray Liotta. C'est... Quand tu vois le casting de King Rising, tu t'aperçois qu'effectivement, là, il a eu du fric. Bon, je pense qu'on a, on a suffisamment donné envie aux gens de découvrir la filmo de Vieux Bol. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Ouais, non, ou pas. Mais on va quand même parler d'autres choses, d'autres adaptations intéressantes. Alors attention, hein, si vous voulez regarder les films du V-Ball, téléchargez-les, hein, donnez-lui pas un centime. Oui. Rampage, c'est pas le film avec The Rock, ça? Non, il y a un autre Rampage, c'est le même nom, mais ça n'a rien à voir. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a un Rampage comme... avec The Rock, que j'ai pas encore vu, d'ailleurs. Non, mais Boss Dick, c'est Karamazov, les frères, hein, au canard. Ah, non, parce que là, j'ai eu peur. Non, j'ai vérifié entre-temps. Parce que... S'il a réussi à faire un film avec... Avec The Rock, oui. Je suis là... de suite. Ah ouais, je l'aurais vu. Je pense que là, j'aurais arrêté le podcast, je serais parti le regarder direct. Il y a une bonne adaptation de jeu vidéo en film avec The Rock. Une. Doom est loin d'être dégueulasse. Doom est pas un film mauvais. Et c'est... Pas, ouais, mais c'est pas du Uwe Boll, c'est du Bartosiak, au contraire. Ouais, voilà. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Ça respecte relativement le ton. Voilà, les marines sur Mars qui tuent des aliens. On retrouve un casting 3 étoiles avec donc The Rock et Rosamund Pike. Il n'y a pas Karl Urban aussi? Il y a Karl Urban. Et je vous ai évoqué dans Rosamund Pike, qu'on a vu, dont on se souvient, hein, dans Gone Girl. Moi, j'ai pas vu Gone Girl, je m'en souviens dans Jack Reacher. Et c'est vachement bien, Gone Girl. Voilà. On va prendre une douche froide Beyond. Doom, c'est sympa. C'est pas un film fantastique, mais c'est sympa. Ça se laisse regarder. Voilà. Mais en plus, le scénario n'est pas si dégueulasse que ça, hein. Le fait que... Ah non, je vais peut-être pas le dire du coup. Mais il y a un truc dans le film qui est plutôt bien vu, j'ai trouvé moi. Ouais. Ouais. Bah, je vous dis même, je préfère Doom qu'Alien 2. Allez, on passe à la suite. Attendez. T'as pas bout de 10 minutes. Attendez, j'appelle une ambulance. J'appelle une ambulance. Il est en train de faire un AVC. Attendez. Il est 22h17, il pourra pas revenir avant 22h27. J'ai les bras levés. C'est pas bien. Faut sortir, monsieur Lalle. Oui, allô. Mon copain, il fait un AVC là. Oui, il commence à dire n'importe quoi. Voilà. Il est dans le sud, par contre. Ouais. Ok. Allez, Et puis de la chocolatine. Bon, allez-y. Alors, parlez de choses bien. Moi, je sais pas de quoi vous avez envie de parler. Allez, c'est parti. Je l'attends depuis un moment. Il y en a un qui est décédé il y a pas longtemps, qui avait le même prénom. Enfin, c'était un prénom d'emprunt. Une société qui s'appelle Dick. Ça n'a rien à voir avec les pénis. DIC, hein, ceux qui font masque. Ouais, ouais. Alors attention, eux, ils ont fait pas mal de trucs. Donc, notamment masque, les mystérieuses suites d'or, machin. Mais ils ont fait aussi des dessins animés, Super Mario Bros, Zelda, Captain N. Et les aventures de Sonic. Alors attention, il y a dedans... Pourquoi rêveriez-vous, monsieur? Excusez-moi, princesse, c'est ça? Tu penses à Dick, tu penses à tous les dessins animés cool que t'as vu dans ta jeunesse, et après tu l'as Zelda, tu sais. Mais je les ai revus il y a pas longtemps, les Zelda, moi j'aimais bien en fait. Les Zelda, moi j'aime pas. Honnêtement, le cartoon de Mario Bros, j'aimais pas quand j'étais petit, mais je le trouve moins dégueulasse en vieillissant. Lequel, celui avec le type, les acteurs? Non. Justement, ça, cette série-là, je la recherche activement. En fait, Bozzy qui souligne un truc, c'est que les Mario Bros ont eu, en fait, chaque épisode de Mario a eu son adaptation dessin animé en série, en fait. Ceux qui étaient avec les acteurs, tu sais, en live, c'était Mario Bros 2, ouais. Et il était vraiment bien, en fait. Il était pas mal. Voilà. Moi, c'est celui-là que je recherche activement, mais les autres cartoons de Mario. Ils étaient pas bons, par contre. Hein. Pas bons, ouais, effectivement. Alors, il y avait que Mario 2 qui était bien. Ouais. Ouais. Et c'est celui-là que je recherche, mais malheureusement, il me semble que ça n'a pas été réédité en DVD, Mario Bros 2. Alors, je crois pas, je sais que je les avais vus en cassette VHS, souvent dans des marchés, ce genre de choses. Mais le Mario 3 était dégueulasse, mais le pire, c'était Mario World. C'était immonde. Ouais, je confirme. Je l'ai, ça, malheureusement. Enfin, je sais pas si je l'ai en DVD, mais Je sais pas si c'est ressorti. Mais Mario 2 était très bien, ouais. Très Ouais. bien. Alors par contre, il y a un autre truc, on va s'écarter du Nintendo. Sonic va vous causer, hein, les aventures de Sonic. Ah, Sonic Ça, moi, Sing. ce truc, ça m'a marqué. Ah oui, c'est vrai. Le dessin animé en lui-même, ça allait, bon, c'était des trucs. Ouais, c'était quoi? C'était un 20 minutes, je crois, hein, quelque Avec chose les comme ça. chili hot dogs. Oui, Oui, voilà. les Bon, il y trucs. avait des trucs dedans qui étaient what the fuck, tu comprenais pas ce que ça venait faire avec Sonic, mais après tu te dis, bon, pourquoi pas, voilà. Ouais. Mais c'était les morales de fin, façon épisode de South Park dans les premières séries, façon on te met une morale à la fin. Moi, j'ai Ouais, jamais avec une compris, moi, ça. animation dessin animé américain qui était pas bonne, quoi, Oui, franchement. voilà. Non, Moi, mais. j'ai jamais compris. Bah, Jamais. c'était dans le cahier des charges, comme dans tous les dessins animés. Rappelle-toi, Ouais. l'inspecteur Gadget, Oui. Ah ouais. Ah Mask. mais Inspecteur Gadget, c'était très bien hein, quand même. Hein. Oui, Ah mais ouais, c'est le cahier des charges. C'est un cahier des oui. charges. Oui, Ouais. oui, je suis Parce d'accord. qu'au milieu, Et il fallait Célestin le faire. fantôme aussi, c'est pareil à la Oui, fin, tu c'est vrai. vois. Et Parce que puis j'allais dire. même les masques à la fin, quand Oui, toujours Petit la morale. Bob et Scott nous apprenaient C'est à ça. traverser la rue, Mais voilà quoi. totalement. Et ils ont gardé ça pour Sonic. Mais sauf que pour Sonic, ça. Totalement. C'est horrible. C'était pas C'est pas bien. bien. Non, par contre, Sonic, Mais j'ai plus. Sonic, c'était quoi? C'était le Sonic, allez, Voilà, accrochez-vous. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Oui, cette ah putain bah de chanson. oui. Je sais Ouais. plus qui chantait ce truc. C'était pas génial. Hein. C'était ça. Ceci étant dit, après, on a eu Sonic le Rebelle. Ouais, non, ça, non, mais là, Et on a eu Sonic Boom, et Sonic Boom, ça claque. Non, attendez, Mais ah non, attendez, ouais, attendez, parce Sonic que X. Sonic le Sonic Rebelle, X. c'était pas si dégueulasse que ça, mais Sonic X, par contre, c'est Ah, Germain, c'était c'était. bien. Bah ouais, mais là, c'était. Ça y est, c'était revenu chez les Japonais, Oui, avec une voilà. animation qui défonçait, avec un générique hallucinant. Ah ouais, Ah oui. Sonic. C'était super bien, quoi. Et Sonic Et Boom, c'est une Sonic usine à même. X. Ah ouais, mais c'est ça, Sonic Boom, moi j'en regarde quelquefois, je pleure. Il y a des références, c'est tellement méta. Il y Ah a des références pour les plus vieux, mais c'est. Tu dis, mais ils sont fumés, quoi. Et Sonic c'est très Boom, très drôle. c'est exceptionnel, hein. Vraiment, regardez les épisodes de Sonic Boom, J'ai vous allez jamais halluciner, regardé hein. ça. Eh, Vous tu vois, j'ai aimez jamais regardé Sonic Boom, pour le coup. Knuckles, Ouais? vous allez mourir. Ouais. Parce qu'il m'a rendu tellement Ok. con. Bon, écoute, tu me l'as Sans que ça en vendu. Hein. devient exceptionnel. Ah ouais. Ah non, Ah non, oui. Sonic Boom, c'est très très bien, quoi. Après, c'est de la 3D, hein. C'est la 3D actuelle, mais c'est très très drôle. Et C'est vraiment, vraiment Sonic, très c'est très drôle. une licence qui est vraiment allée en se bonifiant. Et là, le film, là, il va être exceptionnel. Oh putain, non. Non, non, non. Bon, là, c'est pareil. Je pense aussi que Moa, il fait un AVC. Non, Non, faut pas dire ça. c'était la Je me série suis des dit, on va peut-être arrêtez d'en passer à parler. Traf, personne va en parler, le chat va se taire. Sans rien. Autant tout le monde est en PLS sur le design de Sonic, autant tout le monde est content de Jim Carrey en Eggman. Ah non, non, mais moi les deux, ça va Ah, pas. mais je le Hein. trouvais pas mal, moi, à la Non, mais fin. si, non, mais c'est vrai, Jim Carrey disent, ah ouais, Parce finalement, que c'est tiens. Jim Carrey, qu'on aime Jim Ouais. Carrey. Après, est-ce que ça va Oui. rendre le film bon? Ah bah oui, il Voilà. peut pas porter lui seul un film, hein, ça c'est évident, hein, je suis d'accord. Mais je veux dire, lui, quand tu vois en image finale du trailer en Robotnik, il est super crédible, hein, en vrai. Hein. Lui, hein, je parle, c'est tout. Le film, c'est pas. Enfin bref. Non, mais super Gorette, ne t'inquiète pas, le film Sonic va être exceptionnel et on va tous pleurer de bonheur, tu vois. Mon Dieu. Et je reste justement sur Sonic en disant qu'il y avait eu aussi des adaptations BD de Sonic hein, qui J'en ai existent. jamais vu. Il y a des comics, Oui, je ouais. les ai, moi. J'en ai, ouais. J'en Et ai ben moi, jamais vu. J'en ai jamais ouais, vu, en fait. j'en ai un justement. Bignon, tu me disais que tu connaissais pas, hein, tu sais, le Sonic Mag. Donc j'ai le numéro 1. Et en fait, c'était les adaptations de. Et, tu connais ça, Bozic, les éditions Archie Comics. Eh oui, Hein, bien sûr. hein. Et du coup, bah, c'était eux qui éditaient la BD Sonic aux États-Unis de 93 à 2012. Donc ça a duré Oh. très longtemps. Au point même, là c'est le sujet pile poil, c'est qu'en 2008, cette série de BD Sonic a le record de la plus longue adaptation d'un jeu vidéo en BD de l'histoire. Et il n'est pas battu. Tu vois, c'est fou quand même, hein. Et chez Archie Comics, il y a aussi des comics Megaman. Ah oui, c'est possible, Je les ai jamais vus en vrai, je crois qu'aux États-Unis. Mais voilà. Et je crois que la série, elle n'est pas complète. Ils ont arrêté de la dessiner au milieu ou un truc comme ça. Donc du coup, on les avait par petits morceaux, tu sais, dans ces magazines-là, Sonic Mag et tout, mais on n'a jamais eu la série, en fait, réellement. Après, il y a eu des rééditions chez Delcourt de certains passages pour regrouper les chapitres, mais jamais le truc en complet. Et la série a repris tout récemment, l'année dernière. Aux éditions Mana Books, avec un tome 1, là, Sonic the Hedgehog, qui s'appelle simplement Sonic the Hedgehog. Et là, par contre, graphiquement, ça tape. Tu sais quoi, j'ai même pas vu passer. Déjà, je savais même pas qu'il y en avait des parties éditées chez Delcourt. Je l'ai jamais vu. Mais vraiment, ah ouais. C'est un truc. Je veux dire, la nouvelle version BD Sonic, je l'ai pas encore lue, mais graphiquement, je trouve ça très beau. Mais vraiment très beau. Hein. C'est intéressant, ça part. Ouais, chez Manabooks, c'est toujours du bon bouquin, Manabooks, donc. Ouais. Ah ouais, effectivement, oui, mais je vois quoi maintenant, effectivement, la nouvelle BD, d'accord. Ok. Donc voilà, c'est le petit passage BD. Oui, oh, il faut. Petit passage BD. C'est dans le thème. Bah oui. Bon, passage. Est-ce qu'on fait un big up à l'adaptation de Mortal Kombat? À une condition, c'est qu'on chante la chanson. Non. Non. Et qu'on fasse le rire de l'envers. Non, bah non, mais... Mortal Kombat, réalisé par le fameux Paul W.S. Anderson, qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin et qui réalisera tous les Resident Evil après. Pas tous. Ah, pas tous, pardon. Pas tous. Pas tous. Il est à la production, il en a fait, il y en a quelques-uns. Il a réalisé Resident Evil, Afterlife, Retribution 3D et chapitre final. Voilà, pas tous. Donc là, Resident Evil, il faudrait qu'on en parle un peu aussi. Et, soit dit en passant, il a également réalisé Alien vs. Predator. Alors, on peut parler du bonhomme. Ah, il a aussi réalisé les Trois Mousquetaires. Hein. Il a un certain. Ah, mais lequel? Il y en a 8. Hormis les 10 que je suis allé voir au cinéma. Ouais. Vas-y, vois. Bon. Non. Bah. Alors, Mortal Kombat, le film, donc on me l'a dit avec Christophe Lambert, un de mes acteurs préférés, grâce à. Voilà, qui joue le rôle de Raiden, un de mes films préférés de la vie, à savoir Résurrection de Russell McCallie. Mes acteurs préférés, hein. Qui se retrouve donc dans le casting de Mortal Kombat, qu'on n'a toujours pas compris ce qu'il fait là. Mais... Bah, pourquoi pas après Je le trouve pas. Ça va, il y a pire. Je le trouve pas. Le film. Je trouve pas le film si dégueulasse. Le premier film, ça va. Je l'avais vu à l'époque au cinéma. Bon, c'était pas exceptionnel, on est d'accord. Ça reste un nanar. Mais en termes d'adaptation pure et dure, ouais, mais t'avais la foule, t'avais les combats. Après, le truc, c'est que tu pouvais pas faire du gore et faire un film, entre guillemets, plus ou moins tout public, quoi. C'était pas possible. Ouais. Non, et puis voilà. En termes aussi de budget, en termes d'effets spéciaux. Oui, forcément. Tu vois le budget qu'ils ont eu, c'était pas un énorme budget, mais par rapport à ce qu'ils avaient comme contrainte, arriver à faire des clins d'œil aux joueurs, à l'époque, ça se faisait pas, hein. Non, et puis je trouvais ça vraiment fidèle au jeu en plus. Tu vois, c'était. Bah, c'est une adaptation qui est relativement. Mais t'imagines à quel point ça aurait tabassé d'avoir Van Damme dans le rôle de Johnny Cage. Ah bah oui. Voilà, Van Damme était pressenti pour le Johnny Cage. Alors Cameron Diaz devait jouer le rôle de Sonya Blade, mais à cause d'une blessure, elle a dû décliner. Oh, putain. Oh la vache. Ah oui. Et Johnny Cage aurait dû être joué par Jean-Claude Van Damme, qui a décidé parce qu'il a le nez creux de décliner pour tourner Street Fighter. Mais ce qu'il faut, parce qu'on en parlera certainement après, de Street Fighter, il y a plein d'anecdotes sur le tournage, hein, et on sait pourquoi il y allait aussi. Par contre, Mortal Kombat, ouais, moi, j'ai bien aimé. Par contre, moi, c'est le Mortal Kombat 2, le film, que j'ai vachement moins apprécié. Bah, c'est la suite, mais tu t'aperçois que le budget, ils l'ont divisé par 12. Les CGI sont à chier, ils ont changé les acteurs entre temps. Ouais. Ouais, c'est dommage. Il n'y a rien qui va dans le film, Rien, il n'y a aucune cohérence dans le 2. Mais je te dis, oui, moi aussi, j'aime bien le premier Mortal Kombat, c'est-à-dire que je suis attaché comme quelqu'un qui l'a vu au cinéma à l'époque. Oui, pareil. Il respire tellement les années 90. Mais carrément. Place, les spéciaux, sa bande son, tout. Enfin, la musique, dire, on n'a pas dit, ouais, la musique. Ouais. Mais dans le bon côté quand même, hein. il est pas mal. Quoi, en fait. Non, c'est ça, que tu vois que Paul W.S. Anderson, c'est pas un tâcheron. Non. Il était capable de faire des trucs. Ah, c'est juste qu'il est perdu après. Il s'est vraiment perdu après. On a dans le chat Biki Chris qui nous dit qu'il préfère à choisir le film Mortal Kombat ou Street Fighter ou Blue Dragon, mais totalement. Ah bah, le premier, attention, hein, je vais pas dire que je regarde tous les mois avec le son à fond, mais voilà. Mortal Kombat, ça va, quoi. Que les gens, ils aiment bien chier dessus, mais ils ont tendance à oublier qu'il est quand même relativement fidèle au jeu et que c'était pas gagné, hein. Ouais. Ah, carrément, hein, carrément. Et qu'à l'époque, faire de vrais appels du pied, du vrai fanservice, ça se faisait pas. Non, c'est vrai. Compliqué, hein. Ça se faisait pas. Lui, il l'a fait. Il a mis 2-3 des clins d'œil, des trucs comme ça. Bon, je pense, à mon avis, derrière, il devait avoir Diaz et qu'ils ont dû Et Boone, oui. Ouais, surveiller un petit peu le truc quand même. Hein. Certainement. Mais après, ouais, il a fait un drame, on va dire, relativement correct. C'est un nanar qui est agréable à regarder. Voilà. Tu passes un bon moment. C'est pas un grand film, mais c'est une adaptation correcte d'un jeu de combat, quoi. Parce que ouais, voilà. vu qu'on peut parler de Street Fighter. Hein. Aïe. On parle de Mortal Kombat, on peut passer sur Street Fighter. Hein. Et... Street Fighter, réalisé par Steven De Souza. Rien à voir avec Linda. Linda. Qui est un très très grand réalisateur, du moins un scénariste. C'est un très grand scénariste. C'était avant ou après la réalisation en carton. On va dire que c'est l'un des plus grands scénaristes des années 80. Autant en tant que réalisateur, il n'a pas brillé, autant en tant que scénariste, quand tu commences à voir 48 heures, c'est ça. Commando, Running Man et les Die Hard. Au hasard. C'est un tueur. En tant que scénariste, de Souza, c'est un tueur. Les gens, ils l'ont oublié. C'est malheureux pour lui. Parce qu'il a fait. Ah, bah oui, Steven, mais... bol. Ah, bah oui. Et on lui doit aussi, entre parenthèses, Hudson Hawk. Aussi, ouais. Ah oui, avec. Ces gentils films des années 90 oubliés, qui sont bien, en vrai. c'était marrant, ça. Ah non, mais c'était un tueur. En termes de scénariste, il était bon. En termes de réalisation, c'était plus compliqué. Mais il a des excuses aussi. Il a véritablement des excuses. Hein. Déjà, on peut dire Van Damme, hein, qui a pris quasiment l'intégralité du cachet du film pour lui. Ouais, mais attention, et l'autre partie du cachet du film s'est passée dans la coke aussi. Voilà, c'est un c'était ces trucs à lui. C'est-à-dire que sur les 35 millions qu'ont coûté le film, il en a pris 9. Ah oui, d'accord. Voilà, déjà, rien que ça, tu mets ça en relation, tu te dis que ouais. Le tiers du budget, c'était pour lui, quoi. Ouais, quelque part, c'est bien, en fait, qu'il a pas été dans le film Mortal Kombat. Du coup, ils auraient moins de budget pour le reste. Et... Non, mais le fait aussi que Capcom a eu son mot à dire, mais ils ont juste pu imposer un acteur japonais pour jouer un petit rôle. Parce qu'évidemment, à l'époque, il fallait pas que ça soit des acteurs asiatiques. Oui. Il fallait que le film soit bankable, donc... À noter que le film est le film testament d'un acteur qu'on aime, je pense, tous beaucoup ici, qui s'appelait Raoul Julia. Ah bah oui. Ouais, il décéda d'un cancer peu de temps après. Ouais, c'était son dernier film. Voilà. C'était pas Gomez dans Famille Adams. Bah si, si, c'était lui. Ouais. Et au-delà de ça, ça reste un acteur. C'est quand tu vois aussi, pareil, son palmarès. Ouais. Et sa filmographie, c'est un acteur magnifique. Mais oui, il finit dans ce rôle-là, mais surtout. Sous chimio, quoi. Quand tu vois certaines scènes, tu vois très bien qu'il est malade. Il est massier, il est maigre, il n'en peut plus, quoi. Ouais. Bah oui. Mais par contre, il le joue à fond, son rôle. Oui. Et cabotine. Ah, il est. C'est vraiment des acteurs les plus agréables du film. Par contre, moi, il y a un truc que je n'ai jamais pigé dans le film, c'est la bande-son qui est faite à base de rap. Parce que c'est ce qui marchait à l'époque. Ouais, non, mais enfin bon. Bah, dans le son qui existe en CD également, je l'ai. Oui, je connais, ouais. Rappelle-toi des Tortues Ninja. Oh non. Voilà, Vanilla Ice et tout. C'est cette époque-là où ils se disaient que mettre du hip-hop à toutes les sauces sur les films, ça faisait vendre des BO. Ouais. Tu prends Double Dragon, c'est pareil, tu prends tous les films. Bonne partie de ces films-là. On retrouve aussi dans le film notre incongruité, entre guillemets, dans la présence de Kylie Minogue, quand même. Ouais. Qui n'est pas que chanteuse, sur le coup. Qui est également actrice. Non, elle n'est pas que chanteuse. Elle était dans Neighbours, une série australienne, voilà. En fait. Donc, elle était déjà actrice, de base. Voilà. Et soit dit en passant, donc, Kylie Minogue, si vous avez l'occasion, qui a enregistré un titre avec le chanteur Nick Cave qui s'appelle « Where the Wild Roses Grow ». Et j'avais acheté le CD. Écouté un milliard de fois, tellement c'est un titre magnifique. Et tu sais que j'aurais la chanter, là, je la connais par cœur. Ouais, mais tu vas pas le faire. Bah attends, ouais, si tout à l'heure on m'a pas laissé faire comme ça. Moi je reviens plus là, c'est le prochain. Judas Priest. Ah, mais j'ai l'air. Non, mais Nick Cave et les Bad Seeds, hein, c'était ça, Bignon. Hein. Bah, je fais Nick Cave et tu fais Kylie Minogue, c'est tout. Mais non. Voilà, c'est bon. Attendez, non, mais je pense que... Non, mais je vais pas le faire. Laissez-moi parler, nom de Dieu. Je pense qu'on tient quelque chose. Moi, je propose qu'à chaque fois, ils nous fassent, à chaque début de podcast, un duo of homme-femme comme ça. Aujourd'hui, là, vous faites votre truc, pas de problème. La fois prochaine, Garou, Céline Dion. Moi, ouais. Alors ça, je peux. Je connais par cœur. Ah ouais, mais moi je dis banco. Hein. Bon, après, bien sûr, il va falloir droguer un peu pelle pour que... Non, mais c'est bien la réponse, c'était une jolie mélodie qui faisait très indien, je trouve, dans le rythme et tout. Et c'est une chanson qui parle de meurtre. Voilà, on peut passer. C'est bien le meurtre. Donc, c'est on bien va. Le meurtre. Quoi ? D'accord. Il est donc, tard. Voilà, tout ça, bon, ça on, parce qu'on digresse, mais on était quand même sur Street Fighter, l'ultime combat. Et alors, avec sur le coup, lui. Street Fighter, l'ultime combat va me permettre aussi de parler Inception. À savoir, Street Fighter Ultimate Combat donc, est un film tiré du jeu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du film tiré du jeu ? Un jeu. Un jeu. Voilà. qui est pire que le film, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est une vraie purge. Ah ouais, Street Fighter The Movie sur Sega Saturn et PlayStation 1. Et le pire, c'est pour vous faire marrer, quand c'était sorti en jeu vidéo, donc Street Fighter The Movie The Game, c'était au tout début, forcément, de l'ère PlayStation Saturn. Et moi, comme un connard, j'ai dit, bah, si c'est ça, là, les jeux PlayStation Saturn, bah, autant je garde ma Super Nintendo. Donc, pendant longtemps, pendant un an ou deux, je disais, vas-y, c'est de la merde. Le jeu, c'est. Ah, alors, attendez. Et... on a perdu Monsieur Chou, soit Discord fait de la merde. C'est Discord. Alors, attendez. Ne bougez pas. Hop, nous sommes de retour pour jouer à mauvais tour. Voilà. Oui, oui, on était derrière. Ouais, hop, petit problème de Discord, le serveur a été changé, tout va bien. C'était pas que moi alors, d'accord. Ah, ok. Ok. Donc tu disais, monsieur Chou, que tu pensais que les jeux PS1 c'était que de la merde comme ça et que t'as pas acheté de PS1. Eh ben ouais, le début de l'ère PlayStation, moi je l'ai vécu avec ma Super Nintendo parce que je me disais que c'était trop de la merde. J'ai fait un peu pareil. Moi j'ai fait pareil, mais c'est parce que j'avais pas de thunes. Mais accessoirement aussi, mais voilà. Juste dit en passant, une anecdote tout à fait inutile sur Street Fighter The Movie, The Game of the Movie. C'est le seul et unique jeu sur Sega Saturn en Europe qui est dans un boîtier américain. C'est-à-dire le format long box et qui se casse très facilement. Ça ne sert à rien, maintenant vous le savez. Et c'est un jeu qui commence à être pas donné, figurez-vous. Ouais, quel que soit le format. J'en ai déjà fait l'expérience. Il y a des choses que je comprendrai jamais. Je veux dire, c'est quand même rare quand t'as des personnes comme ça digitalisées en 2D qui soient aussi célèbres aussi. Oh, tu sais, hein, Van Damme, il avait déjà eu le droit à ça dans Time Cop. Hein. Oh mon dieu, j'avais oublié ça. Moi non. Ah la vache, sur Super NES, mon dieu. Ouais, le film est dégueulasse. Le jeu est dégueulasse. Le film, moi j'aime bien, mais après Van Damme, j'ai un amour particulier pour Jean-Claude Van Damme. Donc. Ouais. Et le pire, c'est que Van Damme, on se fout de sa gueule, mais on oublie que c'est quelqu'un qui est legit, en fait. Kickboxing, il me semble. Hein. On pourrait faire un podcast entier. Ah ben, vas-y, fais péter. Sans aucun problème. Parce que, quand tu veux. Hein. J'aime tellement Van Damme. C'est pas le jeu vidéo. Je vais faire un podcast un jour, j'en ferai un sur. Il y a quand même eu pas mal, aussi, si on parle des films, il y a eu pas mal de dessins animés, enfin d'animes, même Street Fighter. Ouais. Le 2V ? J'ai dit une connerie. Ils sont pas des deux. Oui, alors t'as raison. Les dessins animés étaient pas mal. C'était l'époque où t'avais les cassettes VHS, tu sais, quand il y a eu toute la vague d'animes des années 90, et il y avait Street Fighter qui a débarqué. Vous savez, il faut être honnête, le premier film de Street Fighter, on s'en rappelle pourquoi, à votre avis ? Sous la douche. Voilà. Même si j'aime le film, hein. Je trouve que c'est une tuerie. Hein. Et je veux dire, les magazines Player One le vendaient très bien parce que. Parce qu'à la fin, tu sais, t'avais, à la fin du magazine, t'avais toujours justement des articles sur. Le côté culturel, c'est BD, manga, DVD, films qui allaient sortir. Et ils mettaient carrément des images de Chun-Li sous la douche en disant... C'est pour ça que je te dis que c'est tout ce qui nous a marqué, parce que la promo du dessin animé à l'époque, elle s'est faite sur ça. Alors, ils n'avaient pas besoin de ça pour vendre le dessin animé. On était tous dingues de Street. Tout nous dit, il y a un dessin animé Jap d'une heure et demie qui sort. Alors, on y va. J'y suis allé. Après, j'ai pas été déçu, parce que je trouve... que même encore maintenant, le film se tient bien. Mais oui. Toujours aussi bien dessiné, toujours bien animé. Ça reste une assez bonne adaptation. Bon, par contre, juste à ce Boss Dick, est-ce qu'il faudrait pas non plus parler de l'autre film, Street Fighter ? Ah, tu veux qu'on parle de Future Cops ? C'est très important. Vas-y, en 2 minutes, vas-y, allez. Parce qu'il faut que les gens connaissent ce film. Si vous voulez, Future Cop, c'est une adaptation de Street Fighter non officielle. Mais vraiment non officielle. Ah oui. Ils ont essayé d'avoir les droits pendant des années. Future Cop, je connais pas. Ce film est incroyable. Si, tu connais forcément. Ce film est incroyable. Il y a une scène, Oui. Non, mais je vais pas vous. Enfin, si je vous l'ai dit parce que j'ai commencé, mais il y a Guile, enfin, je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais voilà, Guile avec sa coiffure, du coup, un peu particulière. Et du coup, pour faire genre, ils sont en train de s'infiltrer dans une maison, je sais plus ce qui se passe. Et pour faire genre, c'est juste les hommes de ménage, il prend Guile et il passe le balai avec. Voilà. Ah oui, il l'ont retourné. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Il le prend par les jambes et il passe le balai avec. Voilà. Et ce film, c'est ça. En fait, si tu veux, t'as tous les persos. Tu les reconnais, les persos, même si t'as pas les. Voilà. T'as pas les véritables noms. Pour certains persos, tu les reconnais. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans ce film, il y a Andy Lau. Mm-hmm. Andy Lau, c'est un des plus grands acteurs chinois de tous les temps. C'est un daron là-bas. C'est celui. Je sais pas si vous avez déjà vu Infernal Affairs. Le film qui a été remaké par aux États-Unis avec Jack Nicholson. Et... J'ai pas vu celui-là, non. Et avec DiCaprio. Moi, je me rappelle plus du nom. Ah oui. Donc c'est un acteur de génie, quoi. Ce monsieur, il a pas tourné qu'un ou deux films, quoi. Non, c'est une sommité au Japon. C'est juste En Chine, pardon. C'est un tueur. Ah, oh, mais je connaissais pas du tout, moi, Future Cops. Future Cops, hein, si vous avez... et si vous voulez savoir, regardez la filmographie d'Andy Lau et... pleurez. Mais pleurez, véritablement. Il y a au moins une centaine de films, quoi. Et du coup, c'est une parodie, alors, de Street Fighter? Bah... Non, c'est un film comique, moi, je dirais, c'est tout. Ouais, c'est un film comique, c'est même pas une parodie, c'est un film comique. Après, tu peux pas dire tellement parodie, parce que... les Chinois sont coutumiers de ce genre de comédie. Oui. Avec des choses que nous, on ne fait pas dans nos comédies à nous, mais eux, ce délire-là, bah, ils le font régulièrement. Mais là, en plus, il y a une histoire de voyage dans le temps. Mais... Cela dit, il y a eu une meilleure adaptation de Street Fighter en film, mais ce n'est pas un film complet. C'est juste une scène d'un film. Oui. Et oui. On la doit à l'ami Jackie Chan, Jackie dans Chan. Son adaptation de City Hunter. Nicky Larson en français. Ouais. Ou bon, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise adaptation de City Hunter? Je dirais que c'est une aussi bonne adaptation que celle de Philippe Lachaud, c'est-à-dire que c'est une adaptation avec les personnages de base, mais avec le point de vue de notre pays, on va dire. On peut dire ça comme ça. Je sais pas, parce que je l'ai pas vu. C'est pas un film que je déteste. Et au milieu du film, vous avez une scène improbable où donc Nicky Larson se bat contre un adversaire et donc, il trouve une borne d'arcade Street Fighter et il est projeté dans la borne. Et là, Jackie Chan se met à se grimer en Guile, Honda, Ryu, Ken et même Chun-Li. Oui, Chun-Li, ouais. Et avec les bruitages surtout, les bruitages. Avec les bruitages originaux, les attaques originales, Hurricane Kick et tout. Ça dure... quelques minutes, c'est juste hautement improbable. Oui. Et c'est surtout pour ça qu'on se rappelle du film, en fait. Voilà. C'est cette séquence-là qui fait qu'on se rappelle du Nicky Larson avec Jackie Chan. Rien d'autre. Moi, tu me demandes, explique-moi le film, dis-moi ce qu'il y a dans le film. Mis à part cette scène-là. C'est dommage, il est pas nul, ce film. Nul, non. Ça reste du Jackie Chan. Toujours content de voir du Jackie Chan, mais le film m'a pas marqué. Cette scène-là m'a marqué. Et entre-temps, j'ai fait des recherches pour voir un peu le record de notre ami Jean-Claude Van Damme. Karaté semi-contact, 44 victoires, 4 défaites, 0 match nul, ce qui est plus qu'honorable. Et en kickboxing, 18 victoires, 1 défaite, 0 match nul. Non, mais ça a toujours été... C'est et attends, bon combattant, en 2009, il était limite pressenti pour faire un retour au K1 contre un pratiquant de Muay Thai qui s'appelait Somlok Kamsing, de mémoire. Voilà. Qui s'est reconverti. Enfin, voilà. Je connais ce combattant de Muay Thai parce que c'est un disciple d'un de mes combattants de Muay Thai préférés qui s'appelle Senshai, pour ceux qui connaissent le Muay Thai. Non, mais après, Van Damme, il a jamais eu sa réputation. Même histoire de rigoler, taper Senshai et Muay Thai dans YouTube, vous allez voir le mec, il fait des trucs totalement fous. Voilà. C'est juste, c'était l'instant kickboxing. Donc, on parlait de Street Fighter, vous savez aussi qu'il y a eu une adaptation de la légende de Chun-Li, mais je pense qu'on va passer très vite, aller voir là-bas si on y est. Moi, j'y suis. Oh, j'avais oublié celui-là. Ouf. Non, moi, je le dis juste comme ça pour que les gens vomissent. Soient au courant qu'il existe, qu'ils aillent le voir, et après, ils nous détestent. On peut passer à un vrai bon film? Ah bah oui, t'as un vrai bon film. Bah ouais, bah on peut parler de Silent Hill. Hein. C'est un film que j'aime profondément. Je l'avais presque oublié. Moi non, déjà parce que j'aime Christophe Gans de base. Alors Christophe Gans, bah déjà, c'est le gars qui est capable déjà d'adapter correctement un manga et un jeu dans sa filmographie, ce qui est quand même déjà pas mal. Bah déjà, Crying Freeman, l'adaptation, elle était pas mal. J'aime beaucoup. Ouais. Et puis surtout, c'est grâce à lui qu'on a découvert Marc Dacascos, quoi. C'est pour ça aussi que je pourrais le remercier. Mais après, pour situer Christophe Gans, c'est papa de Starfix, papa de la collection HK, celui qui vendait des magazines avec des cassettes vidéo de films asiatiques. Ah oui, je me souviens de ça. C'est ce monsieur-là, quoi. Donc c'est un type qui aime le cinéma de genre en général. À titre personnel, c'est lui qui a produit le premier film de Pascal Laugier-Saint-Ange, qui est un réalisateur que j'aime énormément. Ouais. Regardez Martyr et Ghostland, qui sont deux films fantastiques. Attention, pas pour tous les publics. Et Ghostland, c'est pas celui avec Mylène Farmer? C'est ça. Mais regardez pas pour le film avec Mylène Farmer, vous allez être déçus. On la voit pas assez longtemps pour ça. Regardez-le parce que c'est un super film de genre. Voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours défendu le cinéma de genre. Et puis dans sa filmographie, ça se voit. Il suffit de regarder Le Pacte des Loups. En France, vous n'avez jamais vu de film comme ça. Ah, c'est vrai. Il n'y en a pas eu après. Soit dit en passant, c'est justement dans la collection HK supervisée par Christophe Gans que se trouve le Nicky Larson. Et qui se trouve aussi The Killer. Oui. De John Woo, tout. Voilà, donc, pour poser le bonhomme, voilà. Et pour voir à quel point il aime les jeux vidéo en particulier, parce qu'on l'avait déjà vu avant, dans Le Pacte des Loups, notamment la scène finale du duel final avec les armes du jeu Soul Calibur. Oui. Première fois que j'ai vu le film, j'ai dit « mais ». Mais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le film, déjà à la base, dès 2000, il devait être fait, mais ils n'avaient pas les droits. Il a attendu 5 ans avant d'avoir les droits. Il s'est battu pendant 5 ans pour avoir les droits du film. Donc après, Silent Hill, c'est un film que j'aime beaucoup parce que il a repris toute l'esthétique des jeux et il l'a magnifié. Donc quand vous regardez, vous savez que vous êtes à Silent Hill. Pas de doute possible. Il a fait, par contre, au niveau scénario, c'est un mélange de 3 jeux, voire de 4, des 4 premiers. J'aime beaucoup le film, même si... Il a su prendre l'ambiance du jeu, comme tu dis, et en faire un film cohérent d'une durée d'un film. Après, il y a quelques petits bémols, même si j'aime énormément le film. La structure jeu vidéo du film, je vais à cet endroit-là, je trouve une clé qui va me permettre d'aller là, et qui je vais monter là. Le film, il est coupé comme un jeu vidéo. Et des fois, ça se voit. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Après, non, mais ça, on peut. À noter que le scénariste du film s'appelle Roger Avary et qu'il est le scénariste et le réalisateur d'un film qui s'appelle Killing Zoe, que je vous conseille de voir au moins une fois avec Jean-Luc Anglade. C'est pas avec. Oui, ouais, c'est Jean-Luc Anglade. Oui. Oui, je me rappelle de ça, Killing Zoe. Oui, vraiment. Bon, voilà. Pas plus que ça, à part que. Pareil, encore une fois, c'est un film peut-être pour les estomacs un peu bien accrochés. Disons que c'est aussi un des reproches, ça. C'est qu'il a mis beaucoup de puces de gore qui devraient en avoir dans du Silent Hill. Il y a une séquence en particulier, tu vois laquelle je parle, avec un certain tête de pyramide, oui. Qui a fait sortir des gens de la salle de ciné. Parce que je t'allais voir au ciné. Il y a des gens qui sont partis. Il a eu plein de projets inachevés, Christophe Gans, c'est terrible. Je vois ça. Il devait faire le film Pat Labor. Bah ouais, mais c'est difficile pour lui de produire ce Pat genre Labor, de film. Quoi. Oui, mais c'est comme d'habitude. Il faut que ça soit bankable. Et pour rester c'est dans le jeu vidéo, il devait faire le film. Il devait faire Onimusha le film aussi. Et aussi, c'est dans ce film où on voit un Sean Bean qui ne meurt pas. Avec Jean Reno, donc. Non. Onimusha avec Jean Reno. Et c'est aussi une des critiques que je veux faire sur le film, c'est Sean Bean, qui ne sert à rien. Et qui a été mis là parce qu'ils ont considéré qu'un casting uniquement féminin, ça faisait pas vendre un film. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le casting du film, il est intégralement féminin. Ils ont repris tous les persos des jeux. C'est vrai. Et Sean Bean, ils l'ont mis là parce qu'il fallait une présence masculine. Sauf qu'effectivement, bah, il a une présence importante dans le film, une présence qui sert à rien, qui empêche d'expliquer mieux certaines choses. C'est vraiment dommage. Donc, Gans pour le futur, là, techniquement, il est en train de dater Corto Maltese. Ouais, là, il a pas à se voir rien. Ouais. Parce que ça, moi, j'ai connu hein, la balade de la mer salée et tout, je les ai, les Corto Maltese. Il a fait une version de La Belle et la Bête qui a été pas mal critiquée, j'avoue que c'est pas le film du siècle. Il est sorti en même temps que l'autre. Mais son esthétisme est remarquable, vraiment, c'est un film qui est magnifique. Mais qui n'est pas extrêmement passionnant, on va dire, avec Léa Seydoux notamment, Seydoux. Qui n'est pas quelqu'un non plus qui est très très apprécié en tant qu'actrice française. Et surtout très expressive. Pas très très expressive. Et son des acteurs fétiches, Vincent Cassel, qu'on trouve évidemment souvent dans ses films. Mais bon, après, oui, regardez Salentier, regardez les autres films de Christophe Gans aussi, parce que il va le détruire. N'hésitez pas à jeter un œil sur Salentier. Est-ce que sur le coup quelqu'un avait envie de parler d'autre chose ou est-ce que on se garde ça pour une autre émission et bon, on laisse les 10 dernières minutes à Monsieur Chou? Bon, c'est comme vous voulez en fait, dans l'idée moi c'est pareil. Hein. Je veux juste dire une seule chose. Oui. En termes de jeux vidéo, il y a un jeu vidéo qui a été adapté en série. Oui. C'est totalement improbable, c'est Maniac Mansion. Ah bon? Oui, il y a une série télévisée de Maniac Mansion. Des animés ou des vrais acteurs? Non, de vrais acteurs. Ok. Et ça a été créé par Eugène Lévy. Pour situer, Eugène Lévy, c'est le papa d'un American Pie. Mon Dieu. Voilà. C'était une série comique, hein. C'est juste pour vous dire ça. D'accord. Mais tu les avais vus alors? Non. Ah, non, parce que ça n'a jamais été diffusé. Et c'est quoi? C'est années 90? 90-93? Ouais. Ça n'a jamais été diffusé chez nous. Ouais. Bah, je sais pas, Beyond, si on garde, parce qu'évidemment, moi, il y avait un truc absolu dont je voulais en parler, mais sinon, je le garde pour la prochaine fois. Vas-y, Pélou, hein, on est là pour. C'était en adaptation de BD. Je voulais quand même évoquer un Zelda, tu vois, parce que quand même, Zelda. T'en avais parlé brièvement tout à l'heure, Monsieur Schultz, avec le Excuse Me Princess, un connu petit dessin animé. Mais en manga, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations de Zelda. Absolument tous les épisodes, hein, le Minish Cap, le Link to the Past, le Ocarina of Time, ils ont tous été adaptés en manga. Et ils sont sortis récemment chez nous, chez Soleil Manga. Soleil Manga, ouais. Ouais, voilà. Et là, ils sont pas dégueux. Ils sont pas dégueux, en plus, et là, ils sont ressortis en format relié, couverture dure. C'est vraiment c'est des beaux objets, en fait. Hein. En plus, ils sont regroupés, donc tu as pu acheter plusieurs tomes. Tu as vraiment le bloc à chaque fois. Mais là, je voulais évoquer le Link to the Past, parce qu'en fait, il y en a eu deux adaptations de Link to the Past. Il y en avait une, ce qui fait très shoujo manga, quoi. Et là, je suis moyen fan, quand même. Je veux dire, je n'ai pas trouvé ça top, de Akira Himekawa. Donc celle-là, c'est pas celle qui m'avait marqué, je la trouvais pas super. Par contre, là c'est un petit bijou, celle de Shotaro Ishinomori. Et là, vous dites, ah, mais oui, tout le monde connaît. Hein, oui, évidemment, tout le monde connaît. Oui, voilà, Shotaro Ishinomori. Mais en vrai, oui, vous connaissez. Parce que c'est le créateur de Cyborg 009. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Oui, Lyon, tu vas connaître le jeu sur Mega CD, je crois. Désolé. Non. Bon, alors, c'est le créateur de Kamen Rider, ça vous dit? Ah, bah voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et le créateur de Sankukai. Ah bah voilà. C'est la bataille. C'est la bataille. Parce qu'à l'origine, ces machins-là, c'était des mangas avant. Et d'ailleurs, Cyborg 009, il y en a un sur Netflix, si vous voulez voir. C'est pas terrible. Voilà. Et c'est lui qui a inventé le genre de ça. Sangukai, Kamen Rider, c'est lui qui l'a inventé en manga. Et toutes les séries télé japonaises qui ont suivi après viennent de lui, en fait. C'est lui l'instigateur de toute cette mouvance de Metal Hero et tout. C'est lui qui l'a inventé. C'est mon héros, mais je le savais pas. Voilà. Et Shotaro Ishinomori, qui était un élève de Osamu Tezuka, Ah bah voilà. Lui, dites pas, vous connaissez pas lui par contre. Hein. Je connais pas. Bah ouais, Roboy, hein, évidemment. Et d'ailleurs, ça se voit parce que Cyborg 009, en recherchant un petit peu sur le personnage, je croyais que c'était Osamu Tezuka qui le dessinait tellement non, le dessin était proche. C'est assez proche en termes de. Ouais. Et du coup, bah non, c'était Shotaro Ishinomori. Et lui, eh ben en 93, il a fait une adaptation de Link to the Past. Et je l'ai acheté. Parce que quand je l'ai vu, c'était le premier de la série de Soleil Manga qui était en couverture dure. Et quand je l'ai ouvert, c'était absolument. Mais j'ai trouvé ça, mais à tomber par terre. Parce qu'on reconnaît tout de suite le style d'Osamu Tezuka. Il l'a gardé toute sa vie graphiquement. Et c'est absolument somptueux. Et là, c'est vraiment un petit bijou. Je le conseille, mais mille fois, quoi. C'est un Link to the Past, c'est surprenant hein, par lui. Hein. Mais c'est vraiment génial. Voilà. C'est rigolo quand tu dis que c'est l'élève de. Ouais, ça me fait penser à Steve Vai, l'élève de Joe Satriani. c'est tout à fait ce style-là. En même temps, qui n'est pas élève de Osamu Tezuka, étant donné que c'est le papa. C'est le papa ultime, quoi. Oui, non, mais là, je veux dire, c'est l'élève direct, hein, parce qu'il était dans. C'est lui qui. Il était son élève, pour de vrai, quoi. Il a appris à dessiner et il a gardé son style de dessin toute sa vie, hein, complètement. Donc voilà. Et donc Link to the Past qui est vraiment. Alors, pour l'avoir lu, il se prend quand même beaucoup de liberté hein, avec le jeu vidéo d'origine, mais c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'est 100 fois mieux que l'autre version qui est beaucoup plus classique, quelconque, et qui est pas nulle, quoi, mais je veux dire, elle a moins d'identité, on va dire. Voilà. Oh, mais j'imagine un enseignement comme dans Kill Bill Volume 2. Avec le maître à la barbichette. Hein. Ouais, c'est ça. Et le monsieur nous a quitté en 98, je le dis. Voilà. Crise cardiaque. Ah, mon assistante me demande de te demander qui est ton élève à toi, Pelle. Moi, j'ai pas d'élève. Moi. Le moelleux, on va dire. il en avait, mais vu qu'il a une bonne patte, ils sont tous décédés. Hein. Le chat. Ils sont tous morts de vieillesse, mes élèves. Ah oui. Putain, c'est terrible. On l'oublie un peu trop, mais Pelle, c'est un peu notre tortue géniale en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais sans. Ou j'allais dire sans la passion des culottes, mais même pas. Si, Galgun, la collector de Galgun. C'est bien. On le présente. Bon jeu. Merci. Voilà. Bon. Donc, pardon. Oui, comme je disais, je pense qu'on a largement de quoi faire une autre émission dessus oui. Avec d'autres adaptations. Ah ouais, y avait... On n'a pas parlé évidemment des grands succès qui ont été Tomb Raider ou Resident Evil, mais on a le temps d'en parler une autre fois. Oui, mais ouais. Encore, j'ai encore des trucs à dire. Et la série Castlevania sur Netflix, il y avait plein de trucs. Ah, puis même moi aussi, j'avais encore quelques trucs derrière les fagots. Ouais, on pourra faire un volume 2. Oui, on n'a même pas parlé de la série qui a démocratisé presque le genre de l'anime. C'est terrible. Ah bah, c'est-à-dire, tu me troubles là. Ah ouais ? Ah bah je vous laisse ça pour la prochaine. ça c'est un teasing où je m'y connais pas. Ah, et sur le coup, Monsieur Chou va nous raconter un jeu. Mon Dieu. Alors, on te laisse à vous cognac j'ai. Ok. Donc, nous voici en 2008 où j'achète une Xbox 360 parce qu'il y a Street Fighter 4 qui va sortir. Donc ouais, donc déjà on sait que c'est pas un truc super rétro, mais bon, le jeu a 10 ans maintenant. Oui, ça passe, c'est bon. C'est autorisé, voilà, c'est autorisé. Alors, quelle est la probabilité qu'un jour je dise du bien d'un jeu édité par Electronic Arts ? T'es bourré. Non, et pour le coup, tu vas comprendre. Donc en fait, j'achète un jeu en 2009, au pif, mais au pif complet, dans un magasin. Le jeu était d'occasion à genre 20-30 balles. Je rentre chez moi, je mets le 10 dans ma console et je me dis putain, mais je comprends pas. J'arrive pas à jouer à ce jeu. Ben oui, parce qu'en fait, dans les autres jeux du même genre, t'appuies sur croix, le perso il saute, tu fais carré, une direction, le perso fait des trucs, des machins. Ah, et là, sais. En fait, tu sais de quoi je parle ? Vas-y, je pense savoir. Et là, en fait, le truc, c'est que. Pour faire en sorte que le perso il fasse un mouvement, genre pas il saute au-dessus d'un obstacle, il faut que tu pousses le joystick droit vers le bas et ensuite tu le pousses vers le haut. Donc ce jeu que je vais vous parler, c'est forcément Skate 2. Ah ouais. Forcément sorti suite logique de Skate 1, auquel j'ai joué plus tard et forcément c'est moins bien. Donc tout d'abord, c'est un jeu qui a un gameplay ultra profond. Au début, on se dit, ouais, ça va être un Tony Hawk-like orienté simulation, mais pas du tout. C'est même pas un jeu de simulation, en fait, parce qu'on peut faire des trucs un peu débiles dans le jeu, mais bon, ça, je reviendrai dessus après. Et en fait, c'est un jeu de skate avec un scénario. Et C'est ouais, pas donc. commun, ça. Ah, mais Un petit totalement. peu. Vous avez donc un scénario que je vais pas vous spoiler, mais le but c'est quand même de trouver des sponsors, de faire de la thune, tout ça. Et vous avez en fait, pour le coup c'est rigolo parce qu'en fait on se dit, les développeurs en fait c'était le studio EA Black Box, qui ont fait pas mal de trucs, notamment les Need for Speed Underground. Oh, c'était bien ça. Et pourtant, j'aime pas les Voilà. jeux de voiture. Et voilà, donc c'est pour dire que tu vois, c'est des gens, ils savaient faire des trucs. Hein. Bon, malheureusement. Enfin, ces enculés d'Electronic Arts, ils les ont tués en 2013. Donc voilà, à chaque E3, je fais la blague Skate 4, Skate 4, Skate 4. Mais non, non, ça n'arrivera jamais, hein, on le sait. Hein, voilà, c'est un peu comme ah, comment s'appelle à chaque fois le jeu Mega Drive qu'on dit à chaque fois il va jamais sortir. Enfin bref, voilà, c'est D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles là. Je sais pas. J'ai ah, pas. Je okay. peux pas vous raconter d'autres blagues. Je Donc en sais pas. fait, le truc, c'est on se dit. Les gens de chez EA Black Box, ils ont mis un petit truc dans le jeu pour se foutre de la gueule d'EA. En fait, dans le jeu, il y a une société spécialisée dans la sécurité qui s'appelle MongoCorp. Alors attention, rien à voir avec Mister MV et son fameux Mongolo. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que pousser sur un skateboard d'une façon peu conventionnelle, on appelle ça pousser en Mongo. Ça n'a rien à voir, voilà. Je tenais quand même à le dire. Mais en fait, quelque part, enfin moi. Quand je rejoue au jeu, je me dis, en fait, avec les agents de sécurité un peu nazis qui t'empêchent de faire 3 pas, et que même quand t'es plus sur ta planche, ils arrivent pour te pousser et te latter la gueule, voilà. Moi, ça me fait vraiment délirer. Le jeu est vraiment, je l'ai encore dit, mais d'une profondeur absolument débile, tellement les gens. En fait, je sais pas vraiment si c'était des gros fans de skateboard, ceux qui ont fait le jeu. Mais c'est absolument dingue. Il y a même un casting en fait de vrais skateurs qui viennent poser leur voix sur le jeu et incarner leur propre rôle. Pour donner un peu, voilà, si vous connaissez un peu la communauté, je vais essayer d'en citer trois très connus, Eric Coston, Chris Cole et Chris Aslam. Il y avait aussi Danny Way. Voilà, il y a un casting de fou. Alors la bande son, étonnamment, c'est un jeu auquel je ne peux pas vous dire la bande son si elle est bien. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours coupé depuis le 1. Et je mettais en fait mon disque dur avec des milliards d'heures de MP3 téléchargés illégalement dans la Xbox. Et puis paf, voilà. Du coup, en fait, je jouais au jeu, même pas pour son scénario, même pas pour les défis qu'il y avait à réaliser dans le jeu. Juste, j'explorais la ville, je faisais du skate virtuel et j'écoutais de la zik pendant des heures. Voilà, c'est absolument fou. Donc, il y a énormément de choses à faire, que ce soit des courses qu'ils appellent des courses à mort, des death race, des défis à la con, enfin voilà. Il y a même un défi où faut s'amuser à se péter tous les os possibles et inimaginables, en fait, voilà. C'est les C'est défis. complètement con. Non mais c'est génial. C'est les défis Thrasher Magazine. Mais sans rire, hein. Le jeu est d'une profondeur, mais tu peux même pas savoir. Alors attention, parce que quand tu joues au début, tu dis, oula, moi ce que je veux, c'était juste passer, comment dire, le petit muret de 5 cm, tu vois, je voulais passer le caniveau, passer de la route au trottoir, quoi. Pourquoi le jeu il me laisse pas faire ce que je veux? Il y a une courbe de progression à maîtriser qui est vraiment pas facile. Et en fait, le jeu, il aurait pu tomber dans l'oubli, sauf pour les fans de skateboard ou les vieux cons comme moi. Sauf qu'il y a quelques années, PewDiePie y a rejoué. Mais il y a rejoué pour une raison toute simple, c'est que le jeu, en fait, bien que j'ai dit du bien pour l'instant du jeu, il y a un truc qui est débile, c'est la physique du personnage quand il tombe. Quand il tombe, en fait, il tombe comme un pantin, tu sais, à qui on aurait mis des trombones, en fait, aux articulations. Donc ça, voilà, le perso a parfois une physique débile quand il Je se casse la gueule. suis content que t'en parles parce que c'est pour ça que j'y jouais. Ah oui, non mais voilà. Ah, tu le connais connu aussi, toi Oui, aussi. j'y ai joué, mais uniquement pour le côté je me casse la gueule, je fais n'importe quoi et ça me fait rire. Parce que je suis Voilà. pas quelqu'un qui connaît bien le skate et qui aime particulièrement ça, quoi. Mais voilà, c'est. Et le pire, c'est que j'ai redécouvert, donc Il y a quelques années, j'ai vu la vidéo popée sur mon YouTube. Je me suis dit, tiens, il joue au jeu, bon, ok, bon, il parle de la physique, voilà, bizarre du jeu. Mais le gars, il a réussi à réanimer totalement les serveurs qu'Electronic Arts avait fermés pour Skate 2 et Skate 3. Et en plus de ça, il a même réussi à réanimer une petite, très petite communauté de YouTubeurs qui crée en fait encore du contenu sur Skate 2 et Skate 3. C'est voilà. C'est pas banal, ça, quand même. Effectivement. Bon, j'ai rejoué à pas longtemps en stream, avec beaucoup de plaisir, parce que je me suis bien marré. Bon, sur la fin, j'en avais un peu marre, mais c'était cool. Donc, il y a pas mal de trucs dedans. Vous allez devoir, à un moment donné, si je me souviens bien, vous attacher les services d'une espèce de gredin, en fait, qui va venir, moyennant finance, bien entendu, venir rendre praticables les spots qui étaient, rendu impraticable par la Mongo Corp, enfin, voilà, faire des trucs débiles dedans. Va falloir vider, en fait, enfin, va falloir aussi de cette énergie humaine lui donner du pognon pour qu'il vide des piscines, et ça va vous donner aussi, voilà, des nouveaux spots. Enfin, voilà, c'est le jeu de l'infini. Il coûte pas grand chose. Alors, attention à pas prendre sur PS3 pour deux raisons. Hein, le framerate qui est dégueulasse. C'est dégueulasse, monsieur. J'avais fait le 1 déjà. Sur PS3, c'était horrible. Mais le 2, il me semble, est encore pire. Et surtout, ben, vous avez les pouces qui se font des bisous, en fait, avec les sticks analogiques de la PS3. Oui, je ne peux pas dire. Et du coup, là, en fait, étant donné que vous avez quand même besoin de faire des trucs ultra précis, surtout au niveau du pouce droit, c'est bien d'avoir les deux sticks analogiques qui sont un peu plus espacés. Et je trouve que la manette aussi d'Xbox 360 se prête mieux à ce jeu. Et dans la série, hein, il y a aussi d'autres jeux, parce qu'il n'y a pas que Skate 1, 2 et 3. Il y a donc Skate Heat, qui est c'est toujours dans la série, mais c'est sur Wii, et c'est dégueulasse, madame. Les contrôles paraîtraient-ils que c'est immonde? On a eu une discussion là pas longtemps, avec quelques viewers sur un stream où j'avais joué à Skate 2. C'est pas terrible. Alors Skate 3 est pas mal, mais il y a du lissage de texture que personnellement j'aime pas. Et je trouve qu'au niveau profondeur, rejouabilité et tout ça, c'est quand même inférieur à Skate 2. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Donc voilà. Fabillon, toi t'aimes bien sur le jeu, toi, Alors, j'adore, je vénère la série Tony Hawk. Ouais. Et je vais te surprendre, je n'ai jamais touché un seul des skates. Bah ouais, ouais. Alors c'est attention, hein. C'est très particulier, parce que par exemple, pour faire un kickflip, il faut que tu mettes le stick analogique droit vers le bas, et que tu le remontes en haut à droite ou en haut à gauche, tout dépend dans quel sens. J'avais dû le tester une fois, tester la démo comme ça, mais... C'est dur, c'est très dur les premières parties. Voilà, moi c'est parce que c'est un petit peu en gros comme l'histoire des jeux de tennis entre... Virtua Tennis sur Dreamcast, et lorsqu'ils ont commencé à sortir les Top Spin, moi je me suis dit, ah non, moi je veux pas commencer à réfléchir. Et Tony Hawk, c'est ça, ouais. Tony Hawk, c'est tellement no brain à côté que. Là, clairement, c'est un jeu, faut se dire, c'est ce que j'appelle à chaque fois une semi-simulation. C'est pas vraiment. Mais il y a une courbe de progression pour comprendre, en fait, limite ce que tu devrais faire normalement avec les pieds sur un skateboard. Et je viens de voir les notes de la série, là, c'est très correct, hein, c'est quand même... Ah non, non, non, mais ce jeu a été considéré comme des bons jeux. Hein. Ah, bien sûr. Le 1, beaucoup moins. Le 2, la grande nouveauté, c'est que tu peux descendre de ta planche et aller à pied. Du coup, ça ouvre énormément de nouveautés. Ce que j'ai pas dit, c'est que tu peux aussi... t'as un éditeur d'obstacles. Tu peux, si t'appuies, il me semble, sur RB... attraper un objet, genre par exemple, je sais pas, une benne à ordures, et la placer derrière, et paf, ça y est, ça te fait un nouveau spot, tu peux faire des trucs dessus. C'est vraiment un jeu qui est extrêmement bien pensé. Et c'est pour dire, quand Tony Hawk 5 est sorti, bah moi je joue encore à Skate 2 et 3. J'en avais rien à foutre de ça. Et même, en fait, j'ai même envie de dire, si t'aimes bien en fait ce sport, et si t'as joué un Skate 2 ou 3, c'est difficile de revenir sur un Tony Hawk parce que tu vas essayer de faire des trucs un peu plus naturels, on va dire, dans le jeu. Alors que des séries Tony Hawk, faire des choses un peu naturelles, c'est particulier. Non, surtout le Project 8 et Proving Ground sur 360, Tony Hawk ont vraiment poussé le gameplay. C'était pas mauvais, mais c'est juste que c'est tellement dans la philosophie Tony Hawk que je suis même pas sûr que des gens qui aimaient pas la série depuis le début aient joué à ces jeux. Ouais, non, enfin, finalement, ils auraient dû mettre un autocollant, pas pour les nouveaux dessus. Oui, enfin, mais je crois même qu'il y en a un aussi qu'ils avaient essayé de foutre du motion gaming. Non, mais ça c'était après, plus tard. Ah, il y avait celui qui est sur Downhill Jam, qui était aussi. Ah, il y avait voilà, celui qui était vendu avec ça, parce que le Proving Ground de Project 8, c'est les deux derniers épisodes classiques de la série sur 360. Hein. Et j'avais vu l'évolution des anciens, c'est tout. Oui. J'avais vu il y a pas longtemps un documentaire sur la série des skates. Alors je vais essayer de voir si je peux le trouver. Oui, ça s'appelle The Rise and Fall of EA Skate. Mm-hmm. C'est vraiment pas mal. C'est un petit documentaire fait par des fans, ça dure 10 minutes. Et j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai appris plein de trucs en regardant. Voilà quoi. Je regrette juste quand même que d'un point de vue star, qui sont, enfin, comment dire, sommité en fait du skateboard, que, enfin, c'est tout bête, hein, qu'il n'y ait pas des gens un peu plus connus, mais bon, on se dit peut-être qu'ils étaient aussi sous contrat avec d'autres. Avec ouais, d'autres choses, ouais. Mais c'est, attention, c'est vraiment un jeu qui se respecte. Je regarde, j'essaie de me souvenir dans le 3 qui y a comme, non, c'est toujours à peu près le même casting, il me semble. Et il me semble, j'ai envie de regarder sur Wikipédia en même temps, il me semble que la bande-son est pas dégueu. Ben alors, voilà, je voulais faire mon point Jean-Marie bande-son, comme d'habitude. On retrouve en vrac du Airborne dedans, du Cheap Trick, du Children of Bodom, du David Bowie, du Motorhead, du Nirvana, du Public Enemy, du Ramones, des Sex Pistols, des White Stripes, ZZ Top et le fabuleux Raining Blood de Slayer. Ah. Ouais, non, donc, mais si vous aimez que ça tabasse. Et, comment dire? Après, je pourrais parler du jeu encore pendant 10 minutes et même de la culture autour de ce sport. Mais c'est une culture en fait, c'est même un sport qui a fait découvrir énormément de choses. Parmi les cassettes VHS qu'à l'époque on s'échangeait entre collègues skateurs, c'est comme ça que j'ai découvert le heavy metal, par une cassette de, ah, comment ça s'appelait, la compagnie Zero, et le nom de la cassette c'est Misled Youth. Et dedans, il y a du Iron Maiden, il y a du Slayer, peut-être même du Queen dedans. Enfin, c'est totalement fou. J'ai découvert trop de choses grâce à ce sport et grâce à cette culture. Que forcément, Skate 2, tu me parles jeu de skate, pour moi, c'est Skate 2. Le 3 aussi, un petit peu. Le 3 est sympa. C'est vrai que moi, j'ai très peu joué. Si, j'ai joué à Tony Hawk, mais pareil, Tony Hawk, c'était de l'arcade. Je faisais n'importe quoi, je me cassais la figure, je rigolais. Alors après, si vous voulez voir ce que c'est un jeu façon simulation, mais à la piste des bois, vous avez un jeu fait par Rockstar Games qui s'appelle Thrasher Skate and Destroy, auquel j'ai joué à l'époque et c'était de la merde. Ah, mais totalement, hein, voilà. Lorsque la PS1 est sortie, il y a trois jeux qui étaient en concurrence principalement. Il y avait Tony Hawk, il y avait Thrasher quand tu dis Skater and Destroy, et il y avait Street Skater. Oui, oh putain, Street Skater, je l'avais oublié, merci. C'est Tony Hawk qui a gagné des trois. Je me rappelle que le Thrasher était rigolo et tout à fait potable aussi. Il était, bon, c'était marrant. Ouais, non, enfin, c'est abusé. Dès l'instant que tu voulais faire un peu un truc que tu savais que ça passait dans la vraie vie, non. C'était horrible. C'était horrible. Tu recommençais 15 fois pour faire un putain de grind sur un muret de 10 cm de haut. Non, c'était l'enfer. Et Street Skater, d'ailleurs, a tenu presque bon, puisqu'il y a eu un second épisode non, ça y est, écroulé face à la pression de Tony. Et ils étaient malins, Tony Hawk. Ils ont su qu'avec Tony, avec Activision, je veux dire, ils ont su qu'avec Tony Hawk dans l'équipe. Oui, et puis le jeu était loin d'être dégueulasse. Il était très drôle. Ah non, le jeu était bien. Jusqu'à la série des Underground, ça va. Après, c'est comme les Simpsons. Hein, tu vois, c'est sur la fin, on ça sentir l'urine. On va pas être moi, d'accord. Je connais la version PS1 et récupérer des cassettes déjà me faisait rire. Moi, j'aime beaucoup Tony Hawk's Underground 2 avec l'équipe de Jackass, qui est tellement du grand n'importe quoi. Attention, j'adore Underground 2. Hein. Ouais, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi, il me fait marrer. Il y a Steve-O dedans, il y a Margera. Non, mais moi ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer, attention. Hein. Moi, c'est... Voilà. C'est après, avec American Wasteland, où ils sont, justement, comme j'ai dit, Proving Ground et Project 8, où ils sont revenus à un ton beaucoup plus sérieux. Voilà, ouais. Et même à la limite austère, quoi, tu te dis, attends, t'avais un jeu qui était fou, bon... C'était bien, quoi, ouais, mais voilà. Donc voilà, c'était Skate 2, les enfants. Et je l'ai fait en perdant le trois quarts de mes notes. Donc, voilà. Non, c'était bah non, mais quand on aime un jeu, tu sais. Hein. Ouais, t'as pu dire. Mais en termes de jeu de skate, ceci est le seul que je pense actuellement qui est sorti, c'est les Oli Oli. Hein. Ah non, mais alors attention, il existe un jeu qui est actuellement en early access sur Steam qui s'appelle Session, me semble. Si je dis pas des bêtises. Session, ouais, effectivement. Et il y en a un autre aussi, je crois, qui s'appelle Skater XL. Alors, je ne sais plus exactement lequel des deux, en fait, voilà. Il me semble que Skater XL est en Early Access sur Steam, et l'autre session, je ne sais même plus, en fait, je crois que le truc avait été abandonné. Donc, voilà. Je crois que c'est Skater XL, ouais. Skater XL, voilà, Steam, ouais. C'est ça. Et apparemment, c'est prévu aussi, je crois, PS4 ou un truc comme ça, où j'avais entendu parler que c'était en pourparler, mais pff, voilà. J'y crois pas beaucoup, parce qu'apparemment, c'est des petits développeurs qui font ça, mais j'ai vu des gens jouer à l'Early Access. C'est vraiment du skate tout craché. Mais attention, hein, là pour l'instant, le contenu est fait par la commu, il y a une très petite communauté. Ça a l'air rigolo, ça a l'air sympa. Si derrière il y a un Il y a un petit. suivi. Ouais, s'il y a un suivi derrière. Alors j'ai regardé par contre pour le prendre en Early Access, faut une carte graphique de malade mental et du coup. Voilà. Donc voilà, désolé, j'ai largement débordé. Non, merci Non, mais Monsieur c'était Chou très pour bien, la c'était très bien, présentation de merci. ce jeu. Très, très bien. Merci pour ton enthousiasme. Waouh! Quand on me parle des jeux de skate, forcément. Oui. Et donc, sur le coup, bah, il est temps de dire aux gens bonne nuit. Mais oui, le temps passe vite. Trop vite. Et rendez-vous dans un futur proche. Alors, je ne Interdit. sais pas de quoi encore nous allons parler, mais d'ici là, on peut souhaiter à tout le monde de bien se porter, de remercier les gens qui ont participé sur le chat, Merci à vous. remercier les gens qui nous écouteront sur YouTube, abonnés, pouce bleu, petite cloche. Et est-ce que vous connaissez le jeu mobile World of Patate. Voilà. C'est, franchement, je passe mes heures dessus. Ah, c'est Ah oui. génial. Éplucher les patates et les couper en dés, c'est devenu ma grande passion. Et donc, sur le coup. Ah bah Oui. tiens, n'hésitez pas à mettre d'ailleurs en commentaire les trucs voilà, qu'on a parlé aujourd'hui, les trucs qui vous ont marqué en termes d'adaptation, bah voilà, tant qu'à faire. Voilà, vous pouvez venir. Vous pouvez également venir sur le Discord. Vous êtes les bienvenus pour papoter avec nous ou boire le café, tout ce genre de choses. C'est ça. Voilà. Allez. Merci à tout le monde. Bonne Et nuit, les gens. bonne nuit tout le monde. Bonne Bonne nuit, nuit, Pichoun. au revoir.